Bonsoir, bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcastination, les intermittents du podcast. Alors ce soir, nous allons nous intéresser à l'E3, donc qui s'est déroulé au mois de juin à Los Angeles, donc le grand salon dédié aux jeux vidéo pour lequel on a eu pas mal d'informations et de nouveautés, que ce soit chez Microsoft, Nintendo ou Sony, même chez les éditeurs d'ailleurs. Pour cela, nous, pour discuter autour de ce sujet, nous sommes autour de cette table virtuelle avec Tuntun. Bonsoir Tuntun. Salut, salut à tout le monde. Et bien évidemment, on retrouve également Chino. Oh là! Et nous ne sommes pas seuls car un invité s'est glissé, un invité surprise, puisqu'il n'a été prévenu qu'il y a 2 jours seulement, s'est glissé parmi nous. Alors je vous présente donc Gezush. Bonsoir Gezush. Bonsoir, salut tout le monde. Donc Salut, Gezush, salut. si vous ne connaissez pas, je vous conseille notamment le Dojo Hebdo, donc sa rubrique des informations hebdomadaires autour de Nintendo, donc sur le site nintendojo.fr, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Parfait, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc directement par les conférences. On va faire très simple, on va d'abord parler des conférences dans lequel elles ont été diffusées, donc d'abord Microsoft, ensuite EA pour finir par Ubisoft, et ensuite on passera à Sony et Nintendo, pardon. On parlera rapidement de ce qui nous a marqué sur ces différentes conférences avant de parler des jeux, puisque finalement c'est la chose la plus importante. Les consoles sont importantes, c'est clair, mais les jeux, bien évidemment. Sans jeux, une console ne vivrait pas très longtemps. Donc on va commencer tout de suite avec la conférence Microsoft qui a lancé le bal de l'E3 2013. Alors les uns et les autres, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement sur cette conférence Microsoft? Tuntun, par exemple. Moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure conférence Microsoft à un E3. En même temps, c'est pas tellement dur, mais c'était en fait, elle était super rythmée. Ils ont présenté pas mal de jeux. C'était ouais, assez rapide et il y avait quelques surprises assez sympathiques. Et ouais, bah dans les jeux, moi, je retiendrai principalement Quantum Break, le jeu de Remedy. Dont on avait eu un petit peu un léger aperçu à la pré-conf, enfin la première conférence fin mai, je crois. Le 21 mai, ouais, tout à Ouais, fait. à l'annonce de la Xbox One. Titanfall que j'ai beaucoup aimé, Project Spark. Et puis ouais, il y a quelques jeux sympathiques, un peu en fait ils ont touché un peu à tout dans un peu à tous les styles dans cette conférence, et il n'y a pas eu de temps mort, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, il y a le prix aussi de la console Qui est plutôt pas mal aussi. qui est plutôt beaucoup élevé. Mais non, dans l'ensemble, la conférence, c'était moi, j'ai vraiment apprécié. On a aussi une conférence où finalement on a mis de côté le Kinect, chose qui est rare parce que depuis qu'il a été annoncé, finalement chaque conférence était beaucoup tournée, essentiellement tournée même sur l'utilisation du Kinect, que ce soit directement par la caméra ou par le vocal. Comme on avait pu le voir notamment à l'époque, c'était sur Mass Effect 3, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Ils avaient exactement. vraiment poussé ça. Et là, finalement, on l'a même pas vu. On n'a même pas vu le capteur à l'action sur un jeu de danse Ouais. ou. Personnellement, je trouve ça normal, mais. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est assez logique vu que Kinect c'était surtout pour séduire le grand public, et alors que au lancement d'une console, c'est surtout les joueurs qu'il faut séduire. Donc, Clairement. ils s'en foutent un peu de Kinect, les trois quarts Clairement. d'entre eux. Donc, bon, fallait surtout montrer des jeux, quoi. Je pense Kinect, ça sera pour plus tard, quoi. Et La seule puis présentation Kinect qu'il y a eu, c'est Project Spark, en fait. C'est Oui, c'était vraiment la finalement. seule Rise, on présentation. n'a pas vu, mais on sait qu'il sera Kinect compatible, machin. Bah, étant donné qu'à la base, c'était normalement un projet Kinect only, ouais, voilà. Et il y Ouais. avait Crimson Dragon aussi, mais je sais pas s'il est Exact. toujours prévu pour être Si, sur si. Kinect. Si, et en fait, il va mélanger les deux, je crois. Il y aura le Mais il son, y aura quoi. toujours un Oui, côté Kinect. il y aura le son normalement. Bon, ben Et on peut parler juste aussi de pour ça, des quoi qu'on va dire, des conférences, Ah bah il y en a eu notamment quelques des tout le monde en conférences a eu Microsoft. Quand je non pas pense Nintendo aux dirigeants de chez normal il DICE, fallait juste savoir lancer un fichier hein. c'est ça, non, aux dirigeants de chez DICE qui étaient tout seuls pour Battlefield 4, Et du coup, bon, ça va, il a essayé de plutôt bien gérer ça, mais on sentait Et qu'il a. Battlefield 4, ils ont pu le enfin, il a eu droit à son relancement, alors que Crimson Dragon, il n'a pas eu droit. On sent tout de suite qu'il y a Ouais, des privilégiés quand même. c'est pas les mêmes priorités. Ouais, voilà, ouais. C'est un jeu qui était un peu plus important pour Microsoft que l'autre, j'ai l'impression. Ouais. On peut D'ailleurs, il y a. et juste pour revenir vite fait sur Kinect de tout à l'heure, il y a le fait aussi, enfin moi je trouve ça normal aussi, on en parlera certainement aussi pour le Gamepad tout à l'heure, mais on l'a vu, c'est des trucs de toute façon qui passent mal en conférence, et ça sert à rien de communiquer dessus plus que, enfin voilà, juste en parler à la rigueur, mais faire des démonstrations, ça passe extrêmement mal, et le mieux, c'est que les gens s'en rendent compte sur le salon, que voilà, que ça fasse des foirages comme il y a eu précédemment, quoi. D'ailleurs, le truc qui m'a un peu étonné sur la conférence Xbox, c'est que finalement, on n'a même pas eu de mise en avant du Call of Duty annuel, alors que généralement Microsoft faisait ça. Bah Ils ont parce qu'il y a préféré eu plus. le Call of Oui, le pendant une Call of demi-heure Machine. Ouais. à la présentation de fin mai à l'annonce de la Xbox One. Ouais, mais ça étonne quand même, parce qu'à chaque fois. Enfin, Activision est là, et là même, on n'a pas eu du tout de Call of Duty dans aucune des deux C'est conférences, ce qui est ça. quand même. Parce que c'est pourri. Non, il y a aussi le Non, fait que mais ça non, vend, je veux dire. il y a aussi le Oui, fait non, mais c'est qu'Activision a fait clair. une conférence Oui, machin, spécifique avec sur Call of Monsieur Duty. Doritos. Non, entre autres. Hein. Mais Nintendo. là-dessus, oui, bon, c'est pas plus mal finalement. Ils sont passés de Call of Duty à Battlefield. Donc finalement, ils Bah montrent oui. Oui, le ça, jeu, c'est un peu de. C'est du shooter, quoi. le triple A, voilà, shooter, le FPS était là quand même, quoi. Et cela dit, la conférence a quand même ouvert sur MGS5, ce Exactement, qui était j'ai. Ouais, quand même une très grosse surprise, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, on se souvient à l'époque quand il y avait eu FF13 où c'était bah, déjà. Comment il s'appelle qui présente la conférence là, qui s'est fait bâcher, aidez-moi, ne m'aidez pas surtout. Dolmatrix. Oui, merci, voilà. Où on se souvient du gars de chez Square Enix qui était venu taper sur l'épaule pour présenter Non, ça c'était FF13. Kojima, Ah mon oui. cher. C'était Kojima. Ah, C'était c'était Kojima, Kojima. autant pour moi. Ouais. Ah oui, pour Metal Gear Rising. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y avait pas eu quelque chose de spécifique par rapport à FF13, justement? Oui, c'est C'était chez l'annonce. Sony, je crois. Oui, il y avait Avec eu la Platon. surprise aussi. Non, mais il y a eu une année où il y avait eu le trailer de FF13 qui était diffusé à la fin de la conférence Xbox pour C'est dire ça. il est Oui, disponible chez nous voilà, aussi. ouais, D'accord, ouais. c'était la grosse surprise, parce que personne Oui, ne s'y voilà. attendait non plus. Ouais. Final Fantasy étant considéré surtout comme une licence chez Sony, quoi, donc c'était la surprise à l'époque. Hein. C'est un peu le cas aussi de MGS, parce que, bon, mis à part Oui. le Rising qui est sorti Ah si, il y a eu des remakes de fait sur Xbox, mais c'est vrai que tous les MGS, ils sont toujours sortis en exclus, même temporaire, sur console Sony, c'est clair. Bah, les épisodes canoniques, quoi, donc ouais, Ouais. Un petit mot vite fait sur la Xbox 360 qui n'a pas été oubliée. En tout cas, il y avait un peu le même syndrome chez Sony où on s'est dit on en parle vite fait, et puis hop, on passe à la prochaine console. C'est ce qui vous intéresse le plus de toute façon. Bah, de toute façon, Microsoft ne développe plus sur 360. Oui, depuis un moment Depuis déjà. longtemps déjà, ouais. Et c'est ce qui fait la différence entre les jeux next-gen de chez Microsoft et Sony, c'est que Microsoft, ça fait 2 ans qu'ils bossent à fond sur la Xbox One, sur les jeux Xbox One, alors que Sony s'y est mis plus tard et continue à bosser sur la PS3. Parce que bah, on en parlera après, mais il y a quand même des beaux jeux prévus pour bah, chez Sony sur PS3. Vite fait, par rapport à la 360, on voit arriver le free-to-play avec Ouais, World World of of Tanks. Tanks. Ah. Chose qui était donc à l'origine qui était prévue uniquement pour les joueurs disposant d'un abonnement Gold. Et finalement, d'après ce que j'ai lu, ceux qui avaient un abonnement Silver avaient la possibilité de tester le jeu un certain nombre limité de fois. Donc pourquoi pas, c'est un modèle qui semble aussi être porteur pour les prochaines consoles. Ouais, mais World of Tanks à la manette, je sais pas ce que ça vaudra. Hein. Ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre l'engouement autour de ce jeu, tant il manque de glamour, quoi. Je sais pas, C'est un jeu de PCiste, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que ça fonctionnera sur 360? Ça, c'est pas sûr, quoi. En même temps, on disait ça du Minecraft 360 et on a vu le résultat. Hein. Minecraft, ouais, ça ouais, a oui. été. Ouais, mais la hype autour de Minecraft est pas la même que World of Ah, Tanks. Mais c'est clair. Mais là, on a vu Minecraft a réussi à transformer l'essai. C'est sûr. Alors que c'était pas évident, quoi. Enfin. D'ailleurs, Minecraft annoncé sur Xbox One aussi. Exactement. C'est un des seuls jeux indépendants qu'ils ont montré d'ailleurs. Exact. Je sais pas s'il est encore indépendant. Je sais pas si. Je crois que Microsoft édite sur Xbox One. Microsoft édite le Minecraft, je confirme. Ah ouais, d'accord. Mais oui, à la base, c'est un jeu indépendant. Et le truc, moi, ce qui m'a fait tilter justement sur ce Minecraft, c'est que ça fait très opportuniste dans le sens où comme il n'y a pas la portabilité des jeux XBLA, ceux qui avaient leur jeu Minecraft sur 360, s'ils veulent y jouer sur Xbox One, faut qu'ils repayent, quoi. Surtout qu'il était vendu au prix le plus élevé, c'était 1600 points Microsoft. Hein. Ouais, 1500, ça fait du 18 euros, un truc comme ça. Faudra passer à la caisse pour en profiter aussi sur Xbox One. Il y a peut-être moyen de faire le passage des cartes et tout du Minecraft sur la version Xbox One, quoi. Je sais pas si Microsoft a prévu quelque chose quand même à ce niveau-là, ou si tout sera perdu, les sauvegardes. Ça a pas l'air prévu. Franchement, le catalogue a pas l'air transposable. Y a beaucoup de joueurs qui passent des heures tout à construire leur truc, quoi, sur Minecraft, quoi. Et le fait de pas pouvoir le transférer, c'est sûr que peut-être ça va. Déjà, quand tu vois le traitement, dommage, quand tu vois le traitement des jeux XBLA, des jeux téléchargés sur la Xbox 360, ça me paraît compliqué, notamment pour Minecraft. Je voulais parler vite fait aussi de la 360, parce qu'il y a eu un nouveau design qui se rapproche d'ailleurs de la Xbox One, de par la forme un peu, c'est une forme hybride entre la 360, le dernier modèle de 360 et la Xbox One. Ouais. Moi, ils en ont parlé, voilà, vite fait. Il y a aussi la fausse réponse au PSN Plus de chez Sony. Avec des vieux jeux. les jeux offerts pour les deux jeux. Alors, en plus, ce qui est drôle, c'est que, genre, Halo 3 et Assassin's Creed 2, ce sont des jeux qui n'ont pas fonctionné et que personne n'a sur cette console. Non, ouais, clairement. C'est sûr. Et, d'ailleurs, je sais plus qui avait noté ça, mais cette offre-là, où tous les mois il y aura deux jeux supplémentaires, est limitée dans le temps, parce que ça ne fonctionnera que jusqu'au mois de décembre. Ouais. Ouais, c'est valable un an, je crois. Ouais, donc c'est vraiment pour finir un peu. À mon avis, c'est plus pour tester et pour voir si peut-être ils renouvellent le truc ou pas. Je pense que c'est vraiment un test parce que on en parlera certainement tout à l'heure, mais le PSN Plus, c'est une très bonne chose pour les joueurs. Après, j'ai du mal à savoir si c'est rentable ou pas pour Sony, quoi. Parce que moi, j'achète plus de jeux neufs sur Vita et j'attends qu'ils sortent sur le PSN Plus en gratos, quoi. Il y a tellement de succès, oui, que je pense que c'est pour ça que Microsoft a été obligé de s'aligner aussi. D'ailleurs, c'est le même. Ils se suivent, Sony, Microsoft, ils se copient tout, les bonnes idées, tout ce qui marche, ils essayent de récupérer aussi. Et je pense que c'est le succès du PlayStation Plus que Microsoft, ils ont dû se dire si on laisse faire, on va avoir du mal à revenir avec une offre intéressante. Donc vaut mieux tout de suite proposer nous aussi notre propre offre sur le même modèle, quoi. C'est clair. Surtout que c'est quand même au niveau de l'image, le PSN Plus, c'est quand même un des trucs pour moi qui a relancé, qui fait que la Vita est vivote encore un peu. et que la PS3, ça correspond à peu près au lancement des ventes de la PS3, quoi. On passe, on va passer à la conférence EA qui passait juste après la conférence Microsoft, qui a été assez redondante, on va dire, pour être gentil. On a beaucoup dormi. Voilà, c'était une conférence EA, quoi. Ça, C'est un peu le commentaire que j'ai sur ma fiche de travail, donc c'est assez cool. On se demande qui l'a mis. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours chez EA, de toute façon, il y a une grosse part de jeux de sport. Ouais. Ah ouais, il y a tous les jeux de sport qui reviennent tous les ans, donc forcément. Attends, non, pas tous les ans. NBA Live revient. Ouais. NBA Live revient, mais il va vite repartir, j'ai l'impression. Ouais. Oh, apparemment, ils ont fait plus d'efforts, ce que j'ai ouais, vu. Mais, phase de Touquet. Ah, bah, Touquet après. Après, attention, on dit ça, mais FIFA a réussi quand même une sacrée performance sur la génération, enfin, sur la current gen. Oui. Est-ce qu'en peaufinant le jeu à fond, est-ce qu'il y a possibilité de faire un miracle? Wait and see. On peut aussi parler du fait que EA se lance dans le cinéma. Oui, le fameux Need for Speed, j'avais oublié. Oui, avec l'acteur de Breaking Bad. Ouais. Ça, j'avais complètement zappé. Quand il arrive sur scène, t'as vraiment l'impression qu'il est désolé, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il a d'avoir pris son cachet pour faire ça, quoi. mais c'est, ouais. En plus, la bande-annonce, c'était pas une bande-annonce, mais le teaser, il fait pas tellement envie, quoi. C'était une coulisse, quoi. C'était machin. D'avoir un sous ouais. Fast and Furious. C'est ça. Ce qui n'est pas forcément de bon augure pour la suite. Mm-hmm. Alors on peut parler finalement du jeu qui a le plus marqué chez EA, en tout cas un des jeux qui a le plus fait parler, c'est Mirror's Edge 2. Qu'on a rien vu, ouais. Enfin quasiment rien vu, quoi, juste un trailer. Oui, parce que finalement... Bon, en rumeur depuis un moment, donc c'était cool quand même de montrer qu'il existe et qu'il devrait sortir quand même... D'ici quelques temps, quoi. Mmh. Alors, on parle de Mirror's Edge 2, mais finalement, ce serait plus... C'est plus un reboot, c'est après ce que j'ai dit. Un reboot, prequel, on sait pas trop. Ouais, façon. On sait pas trop. En tout cas, dans le teaser, on la voit se faire son tatouage, donc on peut se dire que ça sera avant, quoi. Mmh. Bah, comme le premier a pas vraiment marché et qu'il avait quand même réussi à avoir son succès critique, je pense que c'est pour ça qu'ils ont préféré faire un reboot plutôt qu'une suite d'un jeu qui n'a pas marché. Ouais. Là, en essayant de relancer la licence quelque part, ils essayent de la remettre sur des bons rails, quoi, je pense. Bah, Mirror's Edge avait quand même sa petite fanbase, donc après il y a le problème de ils ont annoncé que ça allait être un open world et perso ça me fait vraiment peur. C'est un peu une des modes du salon aussi, c'est les jeux en open world, quoi. Ça, on va en avoir beaucoup. Quoi. Mais c'est normal, ils testent, les nouvelles consoles ont quand même beaucoup plus de capacité, notamment beaucoup plus de mémoire, ce qui fait que c'est quand même un très gros avantage pour les open world. Mais là, pour Mirror's Edge, ça me fait peur parce que je vois pas du tout le jeu adapté, le gameplay adapté à ce genre de... C'est clair. À ce genre de truc, quoi. Donc, un peu flippant. On a fini, je pensais, avec Ubi, oh là. Non, on n'en a pas parlé pendant la conf Microsoft, mais hier, ils l'ont montré aussi, Titanfall, que moi, perso, j'ai beaucoup aimé. C'est impressionnant, hein. Oui, c'est impressionnant, ouais. Qui sera une exclusivité Xbox PC, Xbox One PC. Ouais. Et Xbox 360 aussi. Xbox 360 aussi, ouais. C'est vrai qu'il a l'air d'être assez péchu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est finalement qu'il rentre dans le mecha et que t'as les écrans qui s'allument de façon différée. Ouais. Ça, c'est cool. Déjà, c'est, donc, on peut dire, c'est Respawn. Donc, les anciens d'Infinity Ward qui ont fait les premiers Call of Duty. Les Modern Warfare. Dont Modern Warfare et Modern Warfare 2. Ouais. Et qui sont d'anciens de chez EA d'ailleurs, puisqu'ils ont bossé sur Medal of Honor à la base. Exact. À l'époque de DreamWorks et des premiers épisodes sur PS1. Ouais. Et vraiment, déjà, je trouve que dans les démos qu'on a vues, on retrouve vraiment le feeling du premier Modern Warfare. Un jeu assez speed et vraiment vif et tout, et puis ils ont rajouté les courses sur les murs, les trucs comme ça, les jetpacks, donc le jeu a l'air vraiment super dynamique, et il y a quand même l'air d'avoir un bon équilibre entre les phases simple soldat et les phases mecha, donc personnellement je l'attends beaucoup, et il m'a bien hypé. Parfait. Et Plants vs Zombies 2? Non. Gardez-nous ça. Non. Par contre, Peggle 2, oui. Et si Star Wars Battlefront. Ah, oui, magnifique trailer. Le trailer a été classe. Mais, on n'a rien vu, mais... On n'a rien vu, voilà. Après, c'est DICE, donc... Oui, il y a quand même une gage de... un minimum de gage de qualité. Ils sont combien chez DICE pour travailler à la fois sur Battlefield, sur Star Wars et Mirror's Edge? Non, mais ouais, je sais pas combien ils sont, mais en tout cas... Faut c'est le studio d'EA actuellement, quoi, parce qu'ils ont fait le moteur Frostbite 3, plus BF4, plus Star Wars, plus Mirror's Edge, plus... Enfin, ils font tout en ce moment chez EA, quoi. C'est eux qui font tout, hein. Mais il me semble qu'apparemment, ils ont ouvert un studio il y a pas longtemps, DICE. Aux États-Unis, il me semble, ouais, c'est pour ça aussi. Ils ont peut-être plus de manœuvres, et donc ils peuvent se permettre maintenant encore plus de projets qu'avant. Oui. Oui, puis Electronic Arts doit leur filer un paquet de fric, à mon avis. Aussi, donc, ouais. Voilà, on a fait le tour d'hier, parce que bon, dans l'ensemble de la conférence, c'était pas non plus très très intéressante. C'est le rythme qui a pêché. C'est chiant. Ouais, puis il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas c'est de... ça, ouais. Mais il y avait Bruce Buffer. ce qui change tout, évidemment. Bah, ouais. Alors, on va parler d'Ubisoft, qui est un peu dans le même cas de figure que qui est au niveau de la conférence, au niveau du rythme de la conférence. Aïcha. Amazing. Amazing. Ah, it's cute. La façon dont elle toise Guillemot, quoi, qui fait trois têtes de moins qu'elle. C'est clair. Oui. Au moins. Oui. Et donc, en fait, on a eu beaucoup de vidéos aussi. On a eu, alors, ça a commencé avec une suite à Rocksmith. Oui, ah, oui, exact. Avec Jerry Cantrell. C'est ça. Et ensuite, on a eu que de la vidéo, hormis pour The Crew et Tom Clancy's The Division. Et Watch Dogs aussi, il me semble, on a eu du gameplay, mais pour le reste, South Park, c'était le même trailer que l'année dernière. C'était un nouveau trailer ce coup-ci. C'était un nouveau ? Ouais, avec il l'avait montré quelques semaines avant. Voilà. Mais il y avait un trailer avec au début tu vois le père qui apprend à péter, je crois, un truc comme ça, quoi. Mais c'est un nouveau trailer ce coup-ci. Pareil pour les autres jeux, Splinter Cell, Blacklist, pour Rayman également, Just Dance aussi. Il y avait beaucoup de redites de l'année dernière, en fait. Enfin, je veux dire, il y a eu le Splinter Cell Blacklist qui était encore là, Rayman Legends qui était encore là, Watch Dogs, bon voilà, qui était encore là, South Park. Pour moi, grosse surprise, parce que Fusion et Frontières, je les attendais pas du tout. Mais bonne surprise. C'est vrai qu'il sera disponible sur console et sur smartphone. Sur smartphone, ouais, exact. Après l'année dernière, c'était normal aussi que cette année. Il y avait quelques redites. Ça soit un peu plus cool chez Ubi parce que ils avaient annoncé quand même pas mal de choses l'année dernière. C'est vrai. Là, Watch Dogs et Rayman Legends et compagnie, c'était un peu normal vu que c'est pas sorti encore de remontrer, hein. Quoi. Donc. Surtout que Watch Dogs a eu le droit aussi à la conférence Sony. Comme Assassin's Creed a eu le droit également à la conférence Sony. Oui, au début je pensais que c'était mon streaming qui bloquait, en fait non, c'était pareil. Non, c'est leur streaming. Il y a eu l'annonce d'un jeu d'un éditeur tiers pour la Wii U, c'était Just Dance. Super annonce. Un gros jeu, hein. Voilà, je crois que c'est la seule annonce d'un éditeur tiers pour la Wii U qui a eu parmi tous les éditeurs. Un jeu qu'on connaissait pas, parce qu'il y en a quelques autres, Watch Dogs et tout. Ouais. Watch Dogs et l'Assassin's Creed, ils sortent aussi sur Wii U, quoi. Ouais, mais aussi. De vraies annonces pour la Wii U, je crois que c'est à part Just Dance 2014, donc. Il y a vraiment rien eu. Mais Just Dance, quoi. Killer App. Ouais. Vous rigolez, mais je pense que ça va faire un ouais. Surtout qu'il n'y a que sur console, enfin sur Wii qui se vend le jeu. Il sera sur Wii, pas sur Wii U. Il se vendra sur Wii, pas sur Wii U, je vous l'ai dit. Ouais, je pense. Ça va être ça. Il n'est pas prévu aussi sur Kinect 2, sur Xbox One? Si, mais comme les autres, mais ils se vendent pas. Il n'y a que sur Wii qui se vend, en fait. C'est sur Wii qui faisait partie de ses ventes, ouais, c'est sûr. Mais là, je sais pas, vu que la Wii est à l'abandon, la Wii U a du mal à démarrer, et les sais pas si ça va si le jeu va avoir autant de succès que les précédents. Bah, il ouais, faut voir, hein, ce parce qu'il commence, c'est pareil, ils commencent à en avoir beaucoup, quoi. Des Just Dance, ils en sortent tous les ans presque. Non, maintenant ils sont passés à l'année, donc à mon avis il y aura un Just Dance 2015, Just Dance 2016, voilà, hein, ça va être ça. Ouais. Ça va être l'événement avec FIFA. Un mot quand même sur The Division. Impressionnant au niveau, c'est je veux dire. C'est le Watch Dogs de cette année. Après, faut voir ce que ça donne en plus concrètement. Je veux dire, nous, on a vu un trailer avec, enfin, on a vu du gameplay même. Ouais, on avec a vu des phases de shoot et tout. C'est donc le on seul va voir. Gameplay qu'on a vu quasiment. Voilà. Donc, il faut voir ce que ça va proposer vraiment comme chose. Qu'est-ce que c'est le scénario? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah, du coup, on en sait quand même un peu plus depuis, parce qu'il y a eu des interviews, il y a eu pas mal de choses. Exactement, et ouais. C'est vrai que les promesses de, en fait, en gros, c'est un MMO FPS, enfin, MMO TPS plutôt. Ouais. Et, mais quand même beaucoup plus axé MMO RPG avec des phases shooters, en fait. Et il y a, voilà, toutes les promesses de narration, de monde comment on dit déjà, je me souviens plus, persistant voilà, et toutes les promesses de narration qui vont avec, et ça a l'air quand même, enfin les promesses sont vraiment prometteuses. J'ai une question, moi, pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté Tom Clancy? C'est par rapport à une histoire parce que c'est un Tom non, Clancy. Non, ils ont les... C'est le label Tom, enfin c'est le label des jeux d'anticipation un peu d'Ubisoft, quoi. D'accord. Et puis il faut pas oublier aussi que Ubisoft a le nom de Tom Clancy, c'est eux qui ont la propriété là-dessus, ils l'ont acheté. Ouais. Donc ouais. Si quelqu'un veut exploiter un truc Tom Clancy, même au cinéma, hein, c'est ça le truc aussi, c'est que même au cinéma, si tu veux exploiter le nom de Tom Clancy, t'es obligé de demander à Ubi parce que c'est eux qui ont la licence entière. Ouais, c'était pour d'ailleurs, savoir il y a pourquoi, eu un, pourquoi un au cinéma. Il y a eu un Ghost Recon d'annoncé en film, je crois. Oui, c'est Ubi qui a les droits, donc voilà. Ouais. C'est Ubi qui va produire ça. Donc un gros jeu, en tout cas, à attendre, qui sert aussi également d'un second écran. Exactement. Ouais, ouais. Avec les Companion App, qui est un des trucs de cette E3, et là où tu pourras diriger un drone, je crois. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Donc, ouais, mais moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est graphiquement, quoi. Dans la démo, les animations, ça m'a rendu fou. L'autre, quand il passe près de la portière et qu'il la ferme et tout, enfin, c'est graphiquement, et ouais, surtout au niveau des animations, il est hallucinant. C'est clair. Alors on va passer du coup à Sony, la conférence Sony finalement qui clôturait le bal des conférences avant l'ouverture du show floor pour tester tous les jeux. Alors Sony, pour beaucoup en fait, pour une majorité de gens en fait, a marqué beaucoup de points lors de cette conférence par rapport à Microsoft. Par défaut surtout, quoi, parce que on savait pas encore que Microsoft ils allaient faire machine arrière sur toute leur politique. Et compagnie, donc là Sony était beaucoup plus, à mon avis, par défaut, ils étaient un peu déjà les favoris quand ils ont commencé leur conférence, et la conférence partait avec des bons points que Microsoft n'avait pas, quoi. Alors, on peut déjà parler de la PS3 et de la Vita aussi, hein, la Vita, 2 minutes, tu veux dire, c'est ça. D'ailleurs, on n'a pas eu de BioShock sur Vita, j'attends toujours des nouvelles, qu'on n'aura certainement jamais, mais bon, pourquoi pas. Non, mais il est occupé, il doit faire le scénario d'un film. Exact. alors, sur PS3, justement, on parlait de la Xbox 360 qui était soutenue, oui, mais bof, par Microsoft. Du côté de Sony, PS3, elle est soutenue à fond. Déjà, un Gran Turismo 6. Oui. Ouais, enfin, alors lui, par contre, au niveau soutien, j'ai l'impression que Sony il laisse la licence à l'abandon, là. On va dire que par rapport au GT5 où c'était reporté, on peut dire au moins qu'ils ont bien géré le développement GT6, étant donné qu'il va sortir clairement et vraiment, il me semble, c'est à la fin de l'année, c'est ça? Ouais. Ouais, donc au moins, voilà, il n'y a pas eu de merde, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là, le jeu va au moins sortir en temps et en heure. Ouais. Après, je pense aussi qu'il y a tout simplement le fait que apparemment Forza est en train de rattraper le retard. Et que la différence, c'est que GT ça sera sur PS3, Forza ça sera sur Xbox One, quoi. Voilà, mais non, mais il y a, je veux dire, il n'y a plus vraiment, comment dire, il n'y a plus vraiment cette émotion qu'il y avait à la sortie de chaque Gran Turismo. Bah, oh là là, c'est Gran Turismo, non, oh là regarde, là, ça va être énorme. Là, ça regarde, va... le jeu a été annoncé à la conférence de l'annonce de la PS4. Mais, bah, c'est-à-dire oui. En février dernier. Mm-hmm. Entre février et juin, donc à l'E3, mm-hmm. On n'a eu aucune info sur GT. Il n'y a personne qui s'est intéressé à GT, quoi. J'ai l'impression que les jeux commencent, enfin les gens commencent à s'en foutre aussi, je veux dire. Et clairement, et en plus on voit que GT là il sort sur PS3, donc ça va être un GT vulgairement ça va être un GT 5.5, c'est-à-dire ce qu'aurait dû être GT 5 à la base, avec sûrement. Toutes les voitures correctement modélisées et tout. Et le problème, c'est que Sony le pousse absolument pas. Enfin, ils ont pas annoncé de pack pour la PS3. Ils ont pas. Ils sortent en même temps que donc Forza et Drive Club. Enfin, pour moi, c'est une énigme totale, quoi. Le jeu va être certainement très bon et voilà. Mais je sais pas ce que Sony fait avec cette licence, quoi. Alors qu'à l'époque de la PS2, Gran Turismo, c'était le jeu le plus vendu avec les GTA. Maintenant c'est devenu un peu une sens quand même suivi quoi, mais bon c'est sûr que c'est plus du tout la même aura que ouais. Moi je pense quoi. Que la période GT5, je veux dire le développement, tous les reports a fait très mal à la licence. Hein. Ah oui, et surtout, en plus quand il a sorti aussi. Oui, quand il est sorti, il a déçu beaucoup de monde, donc en plus voilà quoi. Il aurait. Je pense que ça a beaucoup joué. Il aurait mis une claque à tout le monde, tout le monde aurait un peu oublié les multiples reports et tout qu'il y avait eu, quoi. Mais en plus il a déçu, donc c'est sûr que... Il a déçu, et puis il y a Forza derrière qui a fait vraiment qui a fait le job, tout simplement. Ouais. Alors pour les autres jeux PS3, il y a quand même quelques jeux, il y a déjà un bundle qui est prévu aussi pour GTA V. Donc, ouais. Donc là ils achètent sur leur Noël. Voilà, Beyond Two Souls. L'émotion. Ouais. On a vu une nouvelle séquence de jeu, en tout cas une nouvelle séquence dans l'histoire de l'héroïne. C'est Ellen Page qui part à la guerre. Et ça faisait penser un peu à MGS4 en fait. Enfant soldat, machin. C'est ça. Alors il y a aussi Rain qui a l'air d'être pas mal, d'être assez prometteur côté ICO. Le concept est sympa, ouais. Oui, c'est toujours la patte jeu d'auteur qui rejaillit un peu de Sony, quoi. Il y a toujours un petit jeu comme ça qui se démarque et qui fait du bien. Surtout ces dernières années, et là sur PS3, c'est clairement ça, quoi. Ah oui, totalement. Hein. Un mot vite fait sur la Vita. Vita, voilà. Vita, oui, voilà. Walking Dead. Oui, parce qu'on n'avait pas. En fait, il y a beaucoup de remakes qui sont prévus sur la console, hein, que ce soit Gears of War Collection, les FF10, 10-2. Par ouais. contre, qu'on a vraiment. Franchement, quand tu vois les images en HD, ça donne limite envie d'y jouer, quoi. Hein. FF10, ouais, moi, clairement, je vais le refaire, quoi. Puis sinon, The Walking Dead, mais qui est pas. Walking Dead, 400 jours, mais qui va sortir sur les autres plateformes. Voilà. Mais qui a l'air vraiment sympa, le 400 jours là, qui est un DLC en fait, mais qui a l'air pas mal en tout cas pour patienter pour la saison 2. Mais normalement, ça doit faire le lien entre la saison 1 et la saison 2 de toute ouais. façon, de 400, ouais. 400 jours. Après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la décision de faire un bundle justement avec le Walking Dead. Je sais pas si c'est le jeu idéal pour pousser la Vita, quoi. À mon avis, en même temps, il y a quoi comme jeu idéal? Oui, c'est vrai aussi. The Walking Dead a quand même une certaine notoriété. Effectivement, sans parler du jeu vidéo, mais que ce soit le comics ou la série télé, quoi. Mmh. C'est clair. Donc, et puis d'autant plus que le jeu a bien marché, quoi. Voilà. Finalement. Et puis même Survival Instinct, qui était une sombre bouse, qui s'est très très bien vendu. Je pense que ouais, c'est pas une si mauvaise idée de miser sur le nom Walking Dead. Souvent, rien qu'une licence, ça suffit pour vous vendre. Et en plus, là, Walking Dead avait eu un succès critique. Donc, quand t'as les deux, quand t'as la licence plus le succès critique, c'est sûr que, c'est bien. Il n'y a pas trop de risques, a priori. Quoi. Clairement. C'est clair. Alors... Sinon, il y a Killzone aussi. Oui, c'est vrai. Il a l'air franchement pas mal. Merci Marie. Mercenary, ouais. Mm-hmm. Il a l'air vraiment pas mal, et Tearaway, que j'aime beaucoup, et qui... Personnellement, c'est le jeu qui me fera acheter la console. Hein. Ouais. Bah moi je pense que je le prendrai de toute façon, ou j'attendrai qu'il soit en PSN Plus. Parce qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Je trouve que le concept de servir vraiment de toutes les fonctionnalités de la console est vraiment bien, bien pensé. Sur Ouais. les quelques petites choses qu'on a pu voir par rapport notamment au dos tactile de la console qui est pas très utilisé autrement. Mais Ouais. c'est je trouve ça vraiment, en plus au niveau du design, je trouve ça super Et il rafraîchissant est par rapport à ce super beau, ouais. qu'on voilà. Ouais, il est Ouais. super. Il est super beau, ouais. Et puis pour un jeu média molécule, il a l'air jouable. Oui, et t'as le côté aussi Papercraft qui monte peu à peu en puissance avec les différents modèles qui sont disponibles et Ouais, il les gens qui copie-paste, font leurs hein, propres modèles, etc. C'est vraiment là-dessus, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Et ouais. Ouais, ça peut être un des jeux. l'ADA. Alors, j'ai pas envie de te dire que c'est un des jeux qui va vendre la console, mais qui montrera que la console peut être intéressante pour le public, pour le grand public aussi. Et Ça ça me fait fait son penser, effet. tu parles du côté Papercraft et tout, ça me fait penser à Puppeteer sur PS3, qui est, enfin moi c'est mon gros coup de cœur du côté de chez Sony pour la fin d'année là, le côté un peu théâtre et puis utilisation du papier avec les ciseaux et tout, le jeu a l'air vraiment génial et pareil il a une DA de fou et Pareil, ouais, je trouve que ouais, c'est vraiment genre de jeu que par ce genre de jeu enfin en plus en fin de vie la fin de vie la PlayStation 3 est vraiment Ouais, vraiment très top quoi. réussi. Ouais. Ouais. Il y a un Pareil vrai aux suivi, autres. donc voilà, hein, c'est. Ouais. Pour la PS4, on peut peut-être parler des exclus, même si c'est vrai qu'elles sont là. On en attendait peut-être un peu plus par rapport à ce qu'on a vu, parce que notamment, ils ont montré, mais très rapidement, dans une simple vidéo, les jeux qui avaient été montrés à la première conférence PS4. Donc, que ce soit Infamous, que ce soit Drive Club, que ce soit Killzone, Knack, alors, The Order, je ne sais plus ce que c'est. The Order? D'accord. Ouais. C'est le jeu de Ready at Dawn. Ouais, Ready at Ah, Dawn oui, et d'accord. Santa Monica, Voilà. et qui sortira loin, dans longtemps. 1886, quoi. The Order Ouais, 1886 c'est ça. qui... Qui se passe dans Londres et enfin dans un Londres un peu Uchronique? Alternatif, ouais. ouais, un peu Ouais, voilà, ouais, un peu alternatif alternatif, ouais. et qui a l'air d'avoir une DA de un peu de fou et le trailer qu'ils ont montré était fait avec le moteur du jeu. Alors après Ah on oui? sait ce que ça veut dire mais ouais il est apparemment il était fait avec le moteur du jeu. Après moi j'ai été un peu refroidi par les derniers propos des créateurs où ils parlaient de la façon dont ils avaient filmé le jeu. Donc c'est le côté un peu Uncharted qui ressort et qui m'énerve un peu, le côté on fait tout pour copier les codes du cinéma. J'ai un peu peur d'un jeu dans ce genre-là, mais j'attends de voir parce que l'univers a l'air vraiment sympa, quoi. Oui, alors on peut parler, alors on parlera des jeux aussi un peu après, hein, mais de Square Enix et du fameux vous attendiez FF versus 13, eh bien ne l'attendez plus, maintenant c'est FF15. Qui est devenu un Uncharted-like, c'est ça, tu veux dire? Ouais, non mais franchement, Ah, graphiquement, il est très très beau. Hein. ah Il oui, c'est magnifique, est hein. classe, mais un truc de ouf. Ouais, Ah il m'a oui, non, démonté la oui, tronche. c'est très beau. Ouais, c'est un truc de fou. Et puis l'annonce, enfin, personne s'y attendait, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je m'y attendais Moi, au début, j'ai pas compris. pas. Je croyais que j'ai pas compris en fait. J'étais pas dedans, je sais pas. En plus, j'ai regardé en différé, j'ai même pas regardé en direct parce que. Ouais, t'avais même pas le coup de la fatigue, là l'excuse de la fatigue, là. Et quoi. même pas l'excuse, j'ai rien compris, j'ai pas compris en fait. J'ai vu qu'il y avait. Comment il s'appelle? Nomura qui était là. Ouais. Pour présenter le jeu vite fait, puis j'ai compris à peut-être j'ai juste compris qu'il y avait un Kingdom Hearts 3 qui allait sortir et c'est tout quoi. Et d'ailleurs, ouais, gros mot, enfin, moment fort de la conférence. Et d'ailleurs, qui s'est enchaîné direct après avec l'annonce du prix et du jeu en occasion. Juste FF15, alors FF15 est exclusivité une exclue Sony, c'est ça? Non, Non, non, non, non, non. non. Il sortira Kingdom aussi Hearts 3 non quelques heures plus. après, il a été annoncé Ouais, sur Xbox One, ils ont un d'accord. peu joué, sur les mots sans vraiment, enfin, quand ils le précisent pas, noir sur blanc que c'est une exclusivité, tu peux être sûr que en fait, le jeu sortira aussi ailleurs. Je savais que Kingdom Hearts 3 était prévu également sur Xbox One. Ouais, mais FF15 aussi. Ah ouais, mais de toute façon, c'est des jeux tellement gros que. Tellement cher. Ouais, voilà. Bah, et puis surtout FF15, quoi. Enfin, c'est Versus 13, ça fait 5-6 ans qu'il est en développement. Et pour moi, ça va être un jeu très très très important pour Square, de toute façon. Ah bah oui, c'est clair. Là, ils vont pas devoir se louper pour le vendre, hein, parce que. Quand je me suis à l'époque, vous avez présenté FF13 en disant oui, alors il y aura plein de jeux différents. Ouais, c'était Nobula, non, comment ça s'appelait Fabula Nova Crystallis. Oh putain, ouais. Voilà. C'est et on voit maintenant ce que c'est devenu c'est ouais, d'ailleurs mais... ils font plus référence à l'univers Mais si, si, au début du trailer, il me semble qu'il y a écrit Fabuleux Nova Crystallis. Ouais, il me semble, faudra regarder. J'ai pas fait attention. Il me semble qu'ils font qu'il y a une évocation ce sera dans le même univers. C'est ce que j'ai compris, hein. Okay. Ça m'a fait penser aussi quand tu vois la vidéo au film d'animation Advent Children. Ah oui. Bah maintenant t'as la qualité d'Advent Children, mais dans le jeu, quoi. Je veux dire, c'est ça en fait. C'est ça. C'est vraiment être. Je pense que ça peut être. Si ils font bien, évidemment, ça peut être un très très bon jeu et ça perdrait un peu l'image de FF qui a un peu pris du plomb dans l'aile depuis quelques épisodes. Bah quand on voit Lightning Returns, comment personne n'en parle. Oui, c'est clair. Ouais. Ou le fait qu'ils aient sorti le 13-2 très peu de temps après le 13 finalement. Ouais, et puis qu'il a subi une chute de prix hallucinante, quoi. Même en occasion, je vous conseille, en occasion, vous pouvez vous faire les deux pour moins de 15 euros. Hein. Ouais. Donc... ça montre l'intérêt de la chose. Pour KH3, Kingdom Hearts, le jeu, c'est pas avant 2015. Hein. Quand tu vois la tête de la vidéo, tu sens qu'ils l'ont fait vite fait pour faire l'annonce et que le jeu, il est à peine commencé, quoi. Alors, on peut peut-être parler finalement de. Alors, moi, c'est ça qui m'a étonné finalement, c'est que la chose qui a provoqué le plus d'enthousiasme pour cette conférence Sony, c'est le fait que on pouvait prêter ces jeux et revendre ces jeux. Bah, c'était un peu la peur par rapport à, oui, voilà, à ouais. Microsoft, c'est tout simplement ça. C'est une réaction à ça, je veux dire. Pourquoi ça a marqué? C'est parce que il y a eu, avant la conférence de Sony, on se disait, et si Sony faisait pareil? Et si patati patata? Voilà. Et puis d'un coup, Sony sort ça, bah, tout le monde était, Sony! C'était la bonne surprise, quoi, parce que c'est vrai que tout le monde pensait qu'ils allaient faire pareil, quoi, qu'ils allaient s'aligner sur Microsoft et que, ça allait être la même chose, alors que le fait qu'ils aient annoncé ça, puis après ils ont enchaîné avec le prix en plus, que c'était 100 euros moins cher, tout de suite ça a marqué tout le monde, évidemment. Là, tout le monde en parle comme d'un moment réellement historique dans l'histoire des conférences, l'histoire des conférences E3, quoi. Il y a des moments qui marquent depuis 20 ans, genre l'arrivée de Miyamoto sur scène avec son épée et son bouclier, ou des trucs dans le genre. Et ça, clairement, c'est l'annonce de Jack Tretton du prix. C'est un truc, c'est et ça va rester c'est, des années. C'est une annonce. Enfin, ça s'est décidé au dernier moment, quoi, parce que c'est le prix et. C'est pas forcément même... le prix, en fait. C'est plus en fait même le contenu du pack. Apparemment, il faut bien comprendre que le prix déjà de la Xbox One, ça inclut le Kinect. Et quand on sait le prix du Kinect, on comprend un peu mieux la différence. Ouais. Là sur la PS4, ça va c'est être sans nu. Rien. Et apparemment des news qui sont sorties aujourd'hui, ils commencent à réfléchir sur ils ont très longtemps hésité à faire un pack à 400 à peu près le même prix apparemment. Euros de plus avec le PSI. 450 euros avec le PlayStation Eyes inclus. Donc ça s'est joué à ça en fait. Mais c'est clair, ils ont été très forts. Sony prend beaucoup de risques aussi là, avec le prix, avec ses différents choix et tout stratégique, parce qu'ils savent qu'ils ont quand même gros à perdre sur la prochaine génération. Oui. Enfin, il faut qu'ils réussissent, quoi, parce que sinon, c'est eux qui ont le plus à perdre. Donc, voilà, surtout que là, j'ai du mal à croire qu'à 400 euros, ils vendent pas la console à perte. Ouais, c'est obligé qu'ils la vendent à perte, quoi. Mais connaissant les difficultés financières de Sony, il fallait qu'ils frappent un grand coup pour se démarquer de la Xbox One et de faire pencher la balance de leur côté. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, hein. Enfin, voir après sur internet, êtes-vous plutôt Xbox One ou PS4 je regardais le site. Tout le monde penchait vers la PS4, quoi. Ouais, clairement. Je regardais le site tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission, Xbox One vs oui. PS4. Et on était encore à 25-75 en faveur de. Malgré le rétro-pédalage de Microsoft. Ce qui est assez ouf quand même, parce que niveau jeu, c'est quand même un peu la dèche, quoi. Ouais. En 2013. Mais il faut bien comprendre toute façon que souvent l'E3 lance de toute façon les campagnes de communication au moment des lancements de consoles. Ouais. Hein. On voit par exemple, on va prendre l'exemple de la Wii, mais la Wii, c'est vraiment à l'E3 2006 que ça a vraiment commencé à coller et que finalement toute la hype est venue. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer pour au lancement des deux prochaines consoles, ce qui va se passer. Au lancement, de toute façon, il y a jamais grand-chose. Hein, les premiers mois, clairement. Bon, je pense qu'ils en ont quand même. Là, ils ont montré beaucoup de choses qu'on va revoir les prochaines années. De toute façon, que ce soit Microsoft et Sony, ça fait des. Il y a beaucoup d'annonces qu'on va, on va encore les voir l'année prochaine, voire mais l'année c'est d'après. C'est un peu la spécificité des E3 de début de génération, de toute façon. Hein, c'est... Oui, c'est sûr. Bon. D'ailleurs, The Order, il est d'ores et déjà annoncé à l'E3 prochain. Donc voilà. Ce qui paraît logique. On va passer, si vous le voulez bien, à Nintendo. Attends, on a pas parlé dans le truc de la folie de l'occasion machin de la super vidéo qu'ils ont fait pour expliquer eux ils géraient l'occasion et ça c'est un énorme quoi, au niveau coup de pub quoi, c'est des trolls, des millions de vues, surtout que c'est vraiment, enfin c'est tout con mais c'est super bien fait, c'est super bien pensé quoi. C'est de la com à pas cher, quoi. C'est de la com à pas cher. Et qui marche super bien et que voilà, c'est pas l'ultime quoi. Totalement. Ouais. Tout à fait. En plus c'est le boss de chez Sony qui fait ça directement avec. En toute simplicité, je veux te dire sans fioriture quoi. La vidéo elle dure 20 secondes mais c'est tellement efficace que les gens ont été plus marqués par ça que par ça fait partie des annonces, ça et cette vidéo et puis le prix tout le monde a retenu et après ça fait un peu oublier le planning ou les exclusivités qui étaient un petit peu moins fortes que chez Microsoft D'ailleurs, juste après cette annonce-là, ils ont fait exclusif du gameplay en live de Destiny. Personne n'en avait rien à foutre. Hein. Tout le monde est resté bloqué sur l'annonce du prix et de l'occasion. On en parlera un petit peu après, mais c'est vrai que Destiny a quand même fait son petit effet parce que graphiquement c'était pas mal. Oui, clairement. Il y a une bonne direction artistique aussi. Les deux mecs en présentation étaient pas mal aussi. Je trouvais ils étaient en mode coop. Ils savaient pas quoi faire. C'est pas comme les 4 qui savaient pas quoi faire de leurs mains. truc Bungie il y a quelques temps. C'est vrai que cette image était quand même magnifique. Quoi. Les mecs, les mains, c'est quoi, les mains dans les poches ou les mains derrière le dos et les mains derrière le dos, je crois. Les bras ballants. Les bras ballants. On va passer. On va passer chez Nintendo. Le meilleur pour la fin. Le Nintendo Direct, par exemple. Voilà, il faut bien préciser Nintendo Direct, quand même. De 38 minutes, comme vous me l'avez précisé avant. On l'a su juste avant le Nintendo Direct, le fait qu'il allait être court, parce que avant, beaucoup de monde pensait que ça allait durer au moins une bonne heure. Déjà, c'était la première mauvaise surprise, c'était un peu ça, c'est de voir qu'il durait 40 minutes à peine. Tout de suite, on savait qu'il allait pas avoir grand chose, quoi. Ça a annoncé la couleur, quoi. Qu'il y aurait pas grand chose comme surprise et que c'était les jeux précédemment annoncés. Les quelques annonces, c'était pour beaucoup quelque part des mauvaises surprises, quoi, parce que le Mario 3D, on savait qu'il allait avoir un Mario 3D, mais tout le monde s'attendait à un Mario 3D. Voilà, un coup de génie comme ils avaient fait pour Mario Galaxy, quoi. Et finalement, on se retrouve avec un Mario 3D Land bis qui sera forcément, enfin, tout le monde qui va sûrement être très bien, quoi, mais qui était très décevant au niveau de ses ambitions, quoi. On attendait un truc énorme, et finalement, bon, ça va être un jeu 3D qui va être cool, fun et tout, mais a pas la grosse claque qu'à l'époque. Quoi. Moi, je me demande si Super Mario 3D World va pas être justement une nouvelle itération de à la New Super Mario Bros. On aurait New Super Mario, Super Mario 3D World. Je pense pas. Bah, il semblerait que, parce que là, ça, c'est un jeu qui est développé au studio de Tokyo, quoi, de Nintendo. Ouais. Et il y a deux équipes, et il semblerait que l'autre équipe soit sur un projet plus gros. Mais bon, après, ça, on sait jamais si c'est des rumeurs. Les équipes se mélangent un peu et sait pas trop, parce que si tu regardes en gros, si tu regardes les jeux qui sont annoncés et les studios EAD, donc de chez Nintendo, qui en a un peu une tripotée, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de jeux encore qui sont pas annoncés. Oui. Peut-être, éventuellement. Mais ils sont, parce que à mon avis, Mario 3D World, il fait partie de ces jeux qui ont, à mon avis, été développés un peu à l'arrache, mais à l'arrache dans le sens où dans c'est l'urgence. Des jeux, voilà, pas très compliqués à faire. Dans l'urgence, parce que ouais, il faut à tout prix sortir des Mario pour lancer les ventes de la console, donc ils pouvaient pas se permettre d'attendre de faire un super Mario 3D, enfin aussi puissant que le Galaxy et tout ça, mais qui sortirait dans 2 ans. Non, c'est maintenant qu'il faut sortir des Mario, donc je pense que ça a peut-être joué aussi dans le fait qu'ils aient annoncé ce Mario 3D qui a déçu, quoi. Oui, mais un costume de chat. Oui, voilà. Et là, mais ça, je suis sûr que ça va bien marcher. Le multijoueur à 4, quoi. Mario 3D, c'est nouveau aussi. Oui, on va voir comment c'est géré, quoi. Mais bon, ça peut être. C'est un peu la seule nouveauté, quoi. Je vais voir aussi alors que j'irai sur le New Super Mario U, le gamepad était quand même pas mal utilisé. Ça permettait aussi de faire jouer 2 personnes en même temps. Utilisé un peu à l'arrache. Hein. Ouais, mais là, tu vois, c'est poser des blocs. Là, c'est juste en fait. C'est plus utilisé dans Mario 3D World que dans NSNBU. Hein. Ouais, ouais, c'est un peu plus, mais bon, ça reste très minime, quoi. C'est de l'accessoire. Ouais, alors qu'on voit avec Rayman Legend, on voit que derrière, il y a quand même quelques trucs à faire, quoi. Voilà. Elle est avec l'écran tactile, quoi. Donc, pareil, ça c'est un peu bizarre de voir que Nintendo, qui devrait montrer l'exemple avec son gamepad, finalement, ils font sur d'autres jeux. Ils n'ont pas trop. On en parlera à la fin, mais oui, il y aurait de grandes choses à dire sur ça, justement, sur la mablette. On va se battre. Ah oui. Non, par contre, ce que je tenais à dire, parce que je suis assez fier, vous pourrez réécouter le podcast précédent, celui du pré-E3, mais n'empêche que j'avais raison. Tout ce que j'ai dit, quasiment tout ce que j'ai dit, il y a que sur Retro Studio où je me suis planté. Mais genre le Mario Kart pour 2014. Ça c'est pareil, à mon avis ça va faire beaucoup de mal à ce Noël. Je suis pas sûr. Je suis plutôt d'accord avec Gutch, je veux dire, il aurait fallu pour Noël. Ouais, à mon avis c'était plus important, enfin, au niveau des ventes et tout, quoi, sortir un bundle Mario Kart 8 avec la Wii U à Noël, ça aurait été cool, à mon avis, c'est Mario 3D faire, World, mais... à mon avis, sera moins vendeur, déjà, parce que, mine de rien, il a déçu, quoi, et de toute façon, c'est moins fédérateur c'est que moins Mario porteur. Kart 8. Voilà, Mario Kart 8, ça plaît vraiment à tout le monde, quoi. Si tu regardes sur 3DS les ventes de Mario Kart 7 et de Super Mario 3D Land, c'est kiff-kiff, hein. Ils sont à peu près au même niveau. MK7 est un poil devant, mais Mario 3D Land, ça aussi, oui, exactement. Ouais. La baisse de prix, ils pouvaient pas l'annoncer à l'E3 parce que si t'annonces une baisse de prix, faut qu'elle soit effective tout de suite. Je parlais de la base, le fait qu'il y a plus de consoles de 3DS vendues que il y avait pas beaucoup plus, hein. Quand Super Mario 3D Land est sorti, il y avait peut-être 5 millions de consoles en plus à tout casser. Parce que c'était au moment où elle allait pas forcément bien. Ouais, c'était dans la première année. T'as eu un dynamisme après qui a fait que les jeux ont permis de vendre les consoles. C'est ça qui a lancé la console, et c'est ce que Nintendo essaye de faire. Ouais, ça aurait été l'idéal, c'était de refaire la même chose, de sortir et le Mario Kart et le 3D World à la suite. là en novembre-décembre quoi, et c'était ça faisait un super combo quoi pour Noël. C'était un petit peu la je pense c'est ce qu'il voulait là, faire, bon, c'est juste que Mario Kart est il est pas prêt visiblement il est quand même il semble plus ambitieux lui que bah, 3D World parce que a priori des graphismes, ils ont fait un effort, voilà. C'est clairement autre chose, quoi. Il est plutôt joli, il tourne bien, et bon, après, ça reste un Mario Kart, donc tu peux pas réinventer non plus complètement la formule, quoi. Mais lui, je pense que. Tu parles de Mario Kart, bien, en fait? Oui, de Mario Kart 8. Oui. D'accord, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le même problème avec qu'avec Super Mario 3D World. Qu'il y a un manque d'ambition, j'ai l'impression de voir le même, peu de choses près, le même jeu qu'on a eu sur la 3DS. Bah, là, ils ont un peu fusionné le Mario Kart Wii et le Mario Kart DS, quoi, en prenant les motos et voilà, ouais, et certains trucs. Et là, ils ont rajouté l'antigravité. Et j'espère qu'il y aura quelques autres nouveautés. Mais attends, tu as oublié la nouveauté principale de ce Mario Kart Wii? S'il te plaît, je sais ce que tu vas dire. Par le gamepad. Je sais ce que tu vas dire. Le klaxon, quoi. J'ai envie de dire, voilà. GG Nintendo. Non, mais une nouveauté qui a l'air vraiment sympa, c'est de pouvoir prendre les replays des courses et de pouvoir les poster sur le Miiverse. Il y a tout un côté Miiverse qui a l'air vraiment cool. Y a intérêt quand même, parce que là, ce niveau-là, ils avaient un putain de retard, et là, bon. Ah, mais le Miiverse, il n'y a que Nintendo qui l'a. Bon, on peut quand même, alors avant de parler, parce qu'on va parler quand même des jeux, parce qu'on n'a pas. On les a évoqués quand même pour les différentes conférences, mais pas tous. J'aimerais quand même parler vite fait du Megaton de chez Nintendo. Alors, pour être franc, c'est tous des mégatons. Non, mais. pas dans le même sens, je pense. En fait, quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai commencé à voir la vidéo, j'ai cru qu'ils allaient nous balancer un Animal Crossing pour Wii U. À mon avis, c'était fait exprès. J'ai eu peur aussi que ça soit ça. parce qu'on savait que le Smash Bros allait être montré. Et oui. Puis, vu que la vidéo s'est terminée, parce qu'on connaissait la durée. Et je me suis dit, mais finalement ils vont pas le montrer le Smash Bros. j'ai pensé que c'était Animal Crossing aussi pour. Au début du trailer, il y a la croix du logo de Smash Bros qui apparaît en flamme machin. Mais très rapidement, et du coup, je pense qu'il y en a plein qui ont pas vu ça. Moi, ils ont vu direct les images d'Animal Crossing au début du trailer, quoi. Et tout le monde a dû paniquer à ce moment-là. Moi, je me suis rendu compte avec le logo qui était sur la lettre, en fait. Ouais. Il y avait le logo de Smash Bros qui était sur la lettre, et je me suis dit, oui, ça y est, c'est Smash Bros. Et quand même, il y a donc des nouveaux personnages. Donc il y a le villageois. Le villageois. Villageois même de l'année. Même de l'année, ouais. Sans vouloir en plus, hein. Quelque part, c'est des surprises. Le villageois et l'entraîneuse de Wii Fit, mais on peut aussi voir ça d'une autre manière. C'est-à-dire que Nintendo finalement n'a pas d'autres nouvelles licences récentes. Y a pas de nouveaux personnages récents à montrer. Donc quelque part, ça fait des surprises parce qu'on s'attend pas à voir ces personnages débarquer dans Smash Bros. Mais ça montre aussi que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux personnages charismatiques. Pas assez fort, ils vont finir en trophée ou des trucs comme ça. Pour les nouveaux personnages, ils vont tout simplement aller piocher dans les vieilles licences qu'ils n'ont pas encore déterrées, qui vont peut-être en déterrer quelques-unes. Ouais. Bon, on aura Captain Falcon, je pense, malgré que F-Zero, ils savent pas quoi en foutre, mais... On peut parler aussi de Megaman. Oui, c'est la caution. Venez les hardcore gamers, voyez. Mais c'est vachement bien fait quand même. Visiblement, c'était le personnage tiers le plus demandé après Sonic Megaman. Donc, c'est normal. En fait, Nintendo a dit aux joueurs, vous pensiez le voir dans Marvel vs Capcom. Petit malin là, allez. N'empêche qu'au niveau design et animation, il y a la musique, la musique, le remix de Megaman 2, tout qui fait plaisir. Ils l'ont bien vendu le Megaman. Ouais, le trailer, il a surpris tout le monde, quoi. Ouais. Je pense qu'on a tout dit en tout cas au niveau des conférences. Il y avait le jeu de rétro finalement qu'on n'a pas parlé. Le nouveau Donkey Kong, quoi. Qui est un peu décevant aussi. Ouais, voilà, ouais. Et tout le monde attendait de rétro autre chose, quoi. Moi, je m'attendais l'inédit. Bah ouais. Tout simplement. Ouais, bah ouais, aussi, pareil, quoi. Comme on en avait parlé dans le podcast pré-E3. De l'inédit, ou moi j'espérais aussi le retour d'un Metroid, parce qu'avec avec la tablette, je pense quand même qu'il y a, bah, y a moyen de faire... quelque chose de bien avec Metroid. Mais un klaxon dans Metroid. Dans Metroid. Attention, Samus arrive. finalement, ouais, donc c'était encore un autre jeu de plateforme. Donc c'est voilà, déjà il y en avait beaucoup. Et là, ils rajoutent encore un autre jeu de plateforme, alors que tout le monde espérait autre chose de Retro Studio, quoi. Bah, une claque graphique, mais, une nouvelle licence, ou au moins un nouveau Metroid. Oui. Et après, bon, c'est un peu comme Mario 3D World, quoi. Bah, ça sera sûrement un très très bon jeu, mais c'est décevant que ce soit ça, quoi, finalement. Ouais, et puis c'est un peu comme Mario 3D où on se pose des questions, parce que sur Mario 3D World, il y a Tokyo 1 qui s'en occupe, en Tokyo 2, on sait pas ce qu'ils font. Là, dans Donkey Kong, il y a 120 personnes un peu plus de 120 personnes chez Retro, je crois. Ouais. Je pense pas que ça fait 3 ans, ils bossent dessus depuis 3 ans, les 120. Je sais pas, c'est vrai que ça semble bizarre, parce que, ils reprennent les graphismes qu'ils ont déjà utilisés pour la version Wii, quoi. Quelques points, voilà, puis, ça reste de la 2D. Bon, après, bon, évidemment, ça reste du boulot à faire, quoi, mais, ça reste normalement une assez grosse équipe Retro Studio. C'est pas non plus un genre de jeu trop compliqué, je pense, en termes de ressources à développer. Donc c'est bizarre. Enfin, c'est aussi pour ça que c'était décevant, c'est que tout le monde s'attendait à un gros truc et que finalement. Surtout que ça fait réellement 3 ans qu'ils bossent sur rien d'autre, quoi. Ils ont un peu bossé sur MK7. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'équipe assez grande pour bosser sur plusieurs jeux en même temps. Après, il paraît, bon, ça reste aussi une rumeur, que Retro bossait en parallèle sur un moteur graphique pour la Wii U. Donc peut-être que ça expliquerait le fait que ce soit que ça leur jeu, et que à côté il y a un moteur graphique en préparation qui permettrait d'aller plus vite et de pour toutes les équipes Nintendo et pour après, quoi, parce que là ils sont à la bourre, parce que et surtout qu'ils avaient recruté des mecs de chez Naughty Dog, il y a plein de noms prestigieux, ils ont changé de studio, ils se sont agrandis, ils ont des nouveaux locaux depuis quelques mois, peut-être que c'est aussi un peu ça, quoi. Ils sont un peu en phase de transition aussi, et chez Retro Studio, ils n'ont pas perdu les têtes. Il y a 2-3 pontes qui sont partis à la fin de Metroid Prime 3. Mais qui déjà ne bossaient plus à la sortie de Donkey Kong Country Returns, ils bossaient plus dessus. Parmi les plus anciens, il y avait 2 des 3 qui étaient partis, et le troisième est parti là il y a quelques semaines. Les anciens patrons de Retro, quoi, ils sont tous partis ailleurs. Cela dit, ça reste des monstres, hein, quand tu vois Donkey Kong Country Returns. Techniquement, ils sont très forts, et Tropical Freeze, je pense qu'il sera encore meilleur, même si, C'est ça qui est décevant, c'est que techniquement, ils sont très forts, et ils ont montré qu'ils pouvaient faire des jeux très différents que, les Metroid Prime et le Donkey Kong. Donc, ils sont souvent un peu comparés à Naughty Dog chez Sony, donc c'est un peu décevant de les revoir bosser sur un autre Donkey Kong plutôt que sur notre licence, quoi. Non, mais peut-être ça pourrait être intéressant, on parlait de Retro Studio, que peut-être que ce soit le studio qui propose justement des jeux un peu plus occidentaux, comme c'est ce que tout le monde attendait, ça aurait pu être un FPS par exemple, ou quelque chose que Nintendo n'a pas vraiment. Exactement, Metroid Prime c'était un peu spécial, quoi, dans le genre, mais ils auraient pu créer un nouvel univers, justement, surtout qu'ils ont des licences sous le coude. Quand Nintendo les a rachetés, ils bossaient déjà sur plusieurs jeux, on se dit c'était le moment parfait pour le faire, quoi. Je pense qu'il faudrait que justement Nintendo et eux aussi marquent un petit peu, on va dire, l'occidentalisation, enfin bref. C'est pas facile à dire. le fait que le jeu vidéo a changé de bord, et que le Japon ne fait plus vraiment... Alors que Retro Studio aurait pu être vraiment le studio qui pouvait donner un petit peu le coup de boost pour montrer que, regardez, nous aussi on a ça, sans forcément aller dans l'extrême, genre faire un jeu sanglant, du God of War ou quoi que ce soit, mais montrer des jeux un petit peu qui pourraient taper un petit peu plus dans l'œil des Américains, par exemple. Oui, Non, oui, oui. mais Après, la faut rumeur. Oui, vas-y. pas oublier que Donkey Kong, aussi, ça s'est super bien vendu, quoi. Oui, Donkey Kong exactement, de la ouais. Wii, Ouais, c'est clair. c'est un jeu super vendeur qui a marché, mais largement mieux que les Metroid Prime. Voilà. Quelque part, ça peut être aussi Et ouais, surtout un qu'ils choix de préparer un jeu qu'ils savent que ça va marcher et qu'il y a du monde qui va l'acheter, quoi qu'il arrive, quoi. Mais je Mais pense. bon. Parce que l'objectif, c'est quand même assurer la fin d'année 2013. Exactement. Et je pense Ouais. que voilà, ils sont bien partis pour, avec Oui. les jeux qu'ils ont montrés. Enfin, à mon avis, leur Noël, il est assuré très Ouais, largement. bah c'est dommage qu'il y ait beaucoup de jeux de plateforme, quoi. C'est parce Voilà, que c'est après, des voilà. jeux que moi que j'adore et tout, mais ça fait beaucoup de jeux de plateforme qui arrivent en même temps, alors que Tu trouves pas qu'il y a une certaine overdose justement à ce niveau-là? ah si. Je sais pas. Mais je pense que là, Nintendo, ils en ont conscience, quoi. Ils ont dû voir, de toute façon, ils ont dû voir les retours sont assez catastrophiques. Enfin, ceux qui ont testé les jeux, tous les retours sont positifs, hein. Tout le monde dit que les jeux sont bien et tout, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vraiment au niveau des renouvellements, ils doivent voir que même les fans, ils en ont marre et qu'il faut qu'ils changent et qu'ils créent des nouvelles licences parce que Mais même à Ouma, je sais pas si t'as vu la dernière intervention dans Ouma, hein, il dit pareil, hein. C'est un peu détourné parce qu'il parlait principalement de Zelda et pas de Nintendo dans son ensemble. Mais Mais d'une oui, certaine façon. au final, ça veut dire la même chose, quoi. C'est faut qu'il se bouge le cul. Mais de toute façon, enfin, si tu là, c'est vrai que on regarde 2013, c'est que, enfin, du côté de Nintendo, c'est énormément de jeux de plateforme ou de party game, parce qu'il y a Wii Oui, Fit oui. You, il y a Ouais. Wii Party You, il y a Mario et Sonic au JO, machin. Ouais. Enfin voilà, c'est que le même genre de jeu. C'est des genres qui vendent. Enfin, ça vend toujours très bien. Oui, C'est c'est sûr, voilà. oui. Mais je Et voulais préciser. 2014, Voilà, c'est ça, c'est il n'y a beaucoup pas plus. aucune prise de risque. 2014, c'est beaucoup plus beaucoup moins Ah jeu ouais, de plateforme. C'est oui, plus dilué, on va ça dire. sera plus varié, quoi. C'est dommage que ça soit pas, que ça c'est pas été mieux mélangé, quoi. Qu'il y ait un Ouais. petit peu de jeu de plateforme et la deuxième partie en 2014 et pas tout fin 2013 et puis plus rien en jeu de Ouais, plateforme, je veux ouais, dire en ouais. 2014, quoi. Parce que bon, il y a quelques jeux, The Wonderful 101, 101, ouais. Qui a l'air ou dément. bon, Celui-là, il a l'air ça terrible. c'est quand même c'est un des bons choix qu'ils ont fait, je pense, Ouais, Nintendo même s'il dernièrement. va pas C'est vendre. non, mais bon, même en termes Mais c'est. d'image et de Ouais. diversité, c'est bien quand même qu'ils aient pensé Mais à Platinum Game, quoi, pour faire ça. c'est l'avantage des Nintendo Direct, c'est que ils parlent des jeux, même des jeux qu'ils savent qu'ils se vendront pas. Ils parlent des jeux à part égale, on va dire, Oui, et ouais, c'est ils ça peuvent qui mettre en est. avant un peu ce qu'ils veulent, quoi. C'est comme Bayou D'ailleurs, Kazooie, ouais, hein. y a même un Nintendo Direct qui est prévu pour The Wonderful 101, Ouais, alors que avant voilà, la sortie, ouais. ils veulent mettre, en tout cas, ils mettent toutes les cartes de leur côté pour en faire la promotion. Donc, pas si ça Ouais. va marcher, mais Je pense pas, mais en tout cas, s'associer à Platinum pour Nintendo, c'est un bon coup stratégique, je pense, oui parce oui que là, on oui oui voit ouais, Bayonetta, déjà qu'ils aient réussi à, bah, c'est eux qui financent Bayonetta 2, donc il sera totalement exclu à la Wii ouais, U, voilà, Wonderful 101. Je pense que Platinum est appelé à être un partenaire privilégié Nintendo à oui, l'avenir, je je pense. pense J'espère en tout cas. je pense qu'ils ont tout à gagner à garder ce partenariat pour la suite aussi, quoi, parce que ça permet de créer des nouvelles licences ou en tout cas des jeux qui plaisent enfin qu'ils n'ont pas dans leur propre catalogue à eux, quoi. Exactement, voilà. Bayonetta, Ouais. Bayonetta, oui, c'est pas Nintendo qui l'a Ah non, développé, voilà. ça. C'est pas Nintendo qui développe ça et ça fait du bien justement à son catalogue, quoi, Clairement, qu'il y ait un beat'em up aussi en plus aussi réputé, même si c'est pas bien vendu. Donc c'est vraiment ouais. plus pour l'image que pour autre chose, Ah quoi. oui. Mais Exactement. même s'il y a toujours la même rengaine du côté des joueurs, ou pourquoi ça sort pas sur les autres consoles et Bah parce tout, que ouais, mais Nintendo ça a financé, c'est. tout simplement. Oui, Ouais. mais Mais ça, bon, tu sais, il y en a, ils arrivent pas à comprendre ça. Bah ça Après, après. c'est normal d'être déçu, quoi. Ceux qui ont adoré Bayonetta et ils veulent pas acheter la Wii U que pour Une ce jeu, console pour quoi. ça, je veux dire, voilà, Voilà, c'est donc ça. c'est normal d'être déçu, quoi. Mais Mais en même bon. temps, entre ça et pas de jeu, enfin pas de Bayonetta 2, Voilà, je oui, suis après. habitué, je pense. Ouais, c'est vrai qu'après, certaines réactions étaient quand même assez débiles, quoi, mais bon. Je vous propose de passer, parce qu'on a quand même pas Non, mal on parlé continue finalement sur des jeux. Nintendo. Des jeux Nintendo, est-ce qu'il y aura finalement d'autres jeux Nintendo qui X. vous. Bah ouais, il y a Ouais, mais X, ça, et X, ça va être on pas a. avant. Bah, Oh, 2014, hein. 2014, ou moi je Il dirais a été plutôt fin annoncé 2014. 2014, Ouais, mais oui, ça va être je fin pense aussi fin. 2014. Ouais, je pense aussi à fin 2014, mais bon. Pas avant, hein. Ouais. Il y avait aussi mon Pokémon XY qui a été montré. Ouais, ouais, bon, ça c'est. Ouais, ça c'est pour ça c'est pour un Pokémon les direct. Sous, enfin, ouais, ouais, mais il a l'air vraiment, vraiment costaud, je trouve. Enfin, de tout ce qu'ils ont annoncé, il y a des trucs vraiment pas mal. Bah, je pense que ça va être ça qui va sauver le Noël de Nintendo beaucoup plus que les jeux Wii U, en fait. C'est ça le truc. Ah oui. Je pense oui, que Pokémon c'est XY, que... c'est bon, ils ont fait leur année, quoi. Ouais. C'est ce qui va aider Iwata à ne pas démissionner. Ouais, l'année prochaine. C'est pas gagné encore, mais bon. Du coup, je vous propose, là, du coup, on a fait le tour des jeux Nintendo, en tout cas des jeux les plus importants qui ont été présentés lors du Nintendo Direct de l'E3. Je vous propose de revenir finalement sur les différents jeux qui ont été présentés sur les autres conférences, qui ont même sur le salon, et qui ont, selon vous, vraiment marqué les gens, marqué le public, marqué les journalistes aussi. Sur ce qui a été montré, alors je propose déjà directement chez Microsoft de redire un mot déjà de MGS5, ouais. Phantom Pain, parce que ils ont commencé la conférence a commencé directement avec ça, et c'est assez impressionnant déjà ne serait-ce que graphiquement, et ensuite dans le côté monde ouvert, tous les éléments qui évoluent en temps réel, hein, que ce soit les conditions climatiques, le fait de voyager, t'es sur ton cheval, mais tu voyages aussi au sein de villages où les ennemis sont quand même présents, et donc faut faire attention, faut se mettre sur le côté du cheval pour ne pas être repéré, etc. C'est un signe fort de la part de Microsoft de commencer sa conférence par un jeu japonais aussi, mine de rien. C'est juste con qu'ils sortent pas de la console au Japon, c'est ça. Non, mais bon, quelque part, ils voulaient faire croire, regardez, on aura des jeux japonais aussi. ce qu'on n'a pas dit, c'est que la console sort au niveau mondial en novembre 2013, mais au niveau mondial, ça ne concerne que 21 pays. Oui. Exact, ouais. Donc c'est-à-dire que si vous avez acheté une console que vous êtes au Japon, et comme il faut, en fait, il faudra se connecter une première fois, une seule fois finalement. Ah, ouais. Du coup, je sais pas ce que ça donne au final. On c'est sait pas. Faudra hein. se connecter une seule ouais, fois. Je sais, non, il faudra se connecter une seule fois. Oui, il faut se connecter pour la mise fois. À jour la première fois. Ouais. Voilà. Okay. Il y aura une mise à jour à faire, donc voilà. Après, c'est pareil, il peut y avoir de mauvaises surprises comme Nintendo a eu dernièrement, clair. et même la 360, c'était pareil aussi. Son lancement, tout le monde se rappelle de la fiabilité de la console. Donc ça a duré, ça. Hein, le ah, MMOD, ouais. ça a traîné pendant 2-3 ans. Enfin. Faudrait pas que y ait ce genre de rumeurs ou de mauvaise presse qui arrive aussi au lancement de la console pour plomber les ventes pendant de nombreux mois. Et du coup, vous l'attendez ou pas le Metal Gear Solid 5? C'est quelque bon. Chose qui pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais par contre, le Fox Engine m'a bien. Il a l'air énorme, quoi. Moi, ça m'intéresse, il m'intéresse beaucoup, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de jeux en retard, dont par exemple les Metal Gear, quoi, où j'ai fait que le premier il y a super longtemps. Donc, avant de faire le 5, ça sera pas tout de suite, quoi. Ouais, t'as de la cinématique à regarder. Ouais, je pourrais peut-être regarder la version cinéma, ouais. Ça doit exister. Certainement, ouais. Donc moi, je pense que c'est intéressant comme jeu. On va voir ce que ça va donner au niveau du gameplay, surtout. Parce que là, finalement, on a vu du trailer de gameplay, mais on n'a pas eu vraiment le jeu joué. Rien vu, ouais. Le monde ouvert, quelque part, c'est une bonne chose, parce que ça permet de renouveler le gameplay, mais... D'autre part, j'ai un peu peur que ça soit qu'on en bouffe à tous les niveaux, quoi, du monde ouvert. J'ai l'impression que ouais. ça va être comme il y a eu la mode des FPS et TPS qu'il y en avait tous les mois. Là, j'ai l'impression que tous les gros jeux qui vont sortir, ça va être du monde ouvert, et ça risque peut-être de lasser au bout d'un moment, quoi. Surtout que on verra bien, mais. Les mondes ouverts, c'est quand même difficile à faire, faut les rendre intéressants et tout. Oui, voilà, ça prend du temps, surtout. Ah ouais, énormément ouais. de temps. Ouais, ça prend énorme, c'est super dur à faire, et après, faut pas oublier de faire des jeux, quoi. C'est pas tout de créer le monde ouvert, et après, faut trouver. Il faut le remplir, le monde ouvert, voilà, c'est voilà, ça en fait. Faut le tout remplir, simplement. Faut bien le remplir, quoi. Mm-hmm. Un autre jeu aussi qui a forcément marqué cette conférence, c'est Quantum Break. Le jeu, donc... T'as perdu Romain, je crois. Comment ouais, ça a coupé, là. Ça a coupé, Romain. Vous m'entendez ou pas? Oui, ça y là, est, c'est bon. Parfait. Donc, je disais Quantum Break. Quantum Break, oui. Le ah jeu ouais. de la... Ouais. De la ouais. Et il me fait peur en même temps qu'il me fait envie. Bah, le problème, c'est qu'on on sait pas vraiment comment ça joue, ouais, en fait, on a rien vu. Ouais, voilà, on a pas vu grand chose au niveau du gameplay et tout, donc ça reste pour l'instant. Ça reste très nébuleux. Graphiquement, et ça a l'air très joli quand même. Ça a l'air très joli et j'aime beaucoup le design. Ouais, le côté, ouais, le fait que le temps soit arrêté sur une zone limitée dans l'espace. Genre, il pousse des débris qui sont en l'air du début d'une explosion. Voilà, moi, franchement, ce genre de phase de gameplay, même si finalement ça fait plus cinématique que gameplay, mais on sent vraiment qu'il va y avoir du, ça peut être un vraiment très très bon jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu n'est pas prévu pour tout de suite. Ouais, comme beaucoup. Et quand on sait que Remedy n'est pas non plus un studio qui sort des jeux tous les ans. Alan. Ouais. C'est ça, non, mais tu prends déjà Alan. Bah, peut-être l'attends longtemps, mais. C'est ce qui m'a un peu peur. En plus, le concept aussi de mélanger ça avec une série. Ouais, ça me fait peur. Le transmédia, ouais. Parce que quand c'est la tendance. Quand on voit Défiance, je ne pense pas. J'ai pas eu d'écho très positif à ce sujet, que ce soit par rapport à la série, que ce soit par rapport au jeu. Parce que le but, en fait, à terme, ce sera vraiment que les interactions qu'il y a au sein du jeu soient visibles après au sein de la série et qu'il y ait vraiment des chemins entre les deux, quoi, entre les deux médias, et ça c'est quand même très ambitieux et c'est également très casse-gueule en plus. Bah, on essaye de nous vendre la série à travers le jeu vidéo, on va essayer de nous vendre le jeu vidéo à travers la série, quoi, ça va être un peu ça, hein, je pense, hein. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Et c'est toujours les jeux coûtent tellement tellement cher aujourd'hui que les moyens sont bons pour essayer de faire la promotion, et je pense que ouais, tout ce qui est transmédia, c'est pour tout ce qui est cross-licence. D'ailleurs, on l'a vu aussi avec la série qui a été annoncée pour Halo, ou ce genre. Oui, voilà. Voilà, ce genre de médias à côté, quoi. C'est pour essayer d'amener toujours plus de public vers des jeux qui coûtent de plus cher. Donc à voir. Même si on va voir le résultat. On va voir le résultat dans quelques années, quoi. C'est, on verra qui va payer les pots cassés, quoi. Si jamais il y a de la casse, ouais. Après. Et après, c'est sûr que si ça marche pas, par exemple pour Halo, ça va, alors que c'est un jeu en termes de vente et tout énorme, surtout aux États-Unis, je pense que ça va en refroidir beaucoup pour essayer de créer ce genre de croisement, quoi, entre plusieurs. Enfin, on verra bien, mais. Moi, je vois ça comme une gimmick, tout simplement, c'est-à-dire un gimmick qui va durer quelques années. Et puis après, ça, la 3D, si ça marche, en fait. Hein. Si, parce que si ça marche, on va en avoir pendant longtemps. Hein. Il suffit que ça marche et. Faut voir si ça marche ou pas, hein, tout simplement. Hein. Comme la 3D, on s'en rappelle, il y a quelques années, c'était amazing. On nous en a balancé partout. Je m'en rappelle encore de le 3 d'il y a quelques années où carrément ils offraient des lunettes parce qu'ils faisaient tous les trailers 3D. Enfin, Sony. Voilà. Alors que maintenant. On peut jamais savoir ce qui va prendre exactement. Ou pas, quoi. Donc, d'ailleurs, et c'est souvent généralement les trucs. Et c'est souvent généralement les trucs. Vas-y, excuse-moi. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Avec la 3DS, quoi. Parce qu'eux, ils ont misé à fond là-dessus avec la 3D Relief, évidemment. Et finalement, ça n'a pas appris. Donc, voilà. Donc, finalement, ils se sont un peu fait avoir, quoi. Ils ont tenté ce truc, ça n'a pas marché. Et beaucoup d'éditeurs, oui, ils proposaient des jeux en 3D. Là, je crois que ça se fait presque plus, quoi. Voilà, oui, tout simplement. Hein. Ça intéressait très peu de monde, quoi. Oui, voilà, oui. De toute façon, ça a été un gouffre, à mon avis, pour Sony, les télé 3D. Et ouais. C'est souvent de toute façon les features les moins mises en avant finalement qui sont qui réussissent le mieux. On voit par exemple, je pense à la 3DS, je pense au Street Pass. Le Street Pass, ça marche très bien. Oui, alors que c'est, finalement c'est c'était pas le truc qui était le plus poussé par Nintendo, quoi. Mais je voilà, vous ça marche. De revenir sur la Xbox One, même si. Oui. Excuse-moi, on a divagué. Je vais parler donc après Quantum Break. On a parlé vite fait, on a parlé tout à l'heure de Titanfall, donc j'y reviens pas, même si c'est aussi quelqu'un a quelque chose à ajouter sur c'est trop jeu. Bien. Bah, ça va être bien. Oui. Ça va être calibré, ça va être maîtrisé. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Et à quand, quand est-ce que l'exclu va sauter? Ouais, aussi. Bon, il sera déjà sur PC. Oui, de toute façon, il faut y jouer sur PC, surtout que c'est un jeu full multi, il y aura pas de solo apparemment. Ouais. On peut parler aussi de Project Spark. Donc c'est un Little Big Planet like, c'est ça? Ouais. Bon, bah ça c'est peut toujours être intéressant. Un peu. Ouais, voilà, c'est les jeux de ce genre, ça peut être intéressant comme pas du tout, quoi. Il faudra voir ce que la communauté des joueurs en font, ce qui est possible de faire. Et, Mais aussi l'outil en lui-même, quoi. J'ai envie de voir ce que. Ouais. Comment Mais ça fait. Ça fait plus RPG Maker que Little Big Planet, je trouve. Enfin, il y a la possibilité de créer des aventures et tout, donc ça fait plus, je sais pas comment dire, ouais, si, ça fait plus RPG Maker que Little Big Planet dans la façon de créer les aventures, quoi. Mais apparemment, on peut créer de multitudes de jeux, hein. On a vu le trailer qui montrait, ça a l'air quand même très très complet. Donc, c'est encore une fois que comme l'a dit Gutch, ce qui a Gutch, pardon. Mais bon, voilà, c'est diminutif, que veux-tu. Gutch, ouais. C'est que on va t'appeler Chi. Voilà. <C'est... rire> Non, mais voilà, c'est ça dépendra de la communauté, tout simplement. Hein. Si les joueurs vont faire de la merde, le jeu sera de la merde. Si les joueurs vont faire des trucs énormes, ce sera un truc énorme. Ouais, oui, oui, bah. On verra bien. Faire des bonnes choses aussi, quoi. Après, théoriquement, en tout cas, ça a l'air assez au point et bon, faudra voir. Après, faut voir aussi dans le gameplay lui-même, autre que la construction, en fait, la physique des personnages et tout. Parce que moi, c'est un truc qui m'avait buté sur Little Big Planet, c'était la physique du jeu de plateforme en lui-même. Après, voilà, faut voir les combats, les choses comme ça, comment ça se passe dans le jeu, parce que ça va aussi jouer, quoi. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur Project Spark. Alors, on est toujours alors sur les gros jeux, parce que on avait catégorisé finalement les jeux, tout d'abord les jeux, on va dire triple A, en tout cas très très très importants. Ensuite, les indés, les surprises. Donc, Titanfall faisait partie des surprises. Et les valeurs sûres, donc dans quoi est-ce que vous classeriez, par exemple, Killer Instinct? Pour vous, c'est une surprise, c'est surprise, ouais, demi-surprise, parce qu'on, enfin, la licence avait été réanimée, enfin au niveau de la marque, voilà, on avait eu quelques indices avant, ouais. mais pour voir surprise fait, en tout cas de l'orientation du jeu. Oui, c'est un free-to-play, d'après ce que j'ai compris. Il y a un énorme couac au niveau de la communication. Alors, apparemment, ils ont dit au début, ouais, ça va être un free-to-play totalement dématérialisé. Et puis d'un coup, non, mais on va le sortir en complet en boîte. Et bref, il y a eu un énorme couac. Le free-to-play, je crois, c'est t'as un personnage et les autres, faut que tu les achètes. Voilà. Yago. D'ailleurs, oui, c'est bizarre que ça soit pas Rare qui s'en occupe directement. Oui, parce que Rare. Je crois qu'il y a plus personne de Rare qui a avoir bossé sur Killer Instinct. Ah oui, sur Killer Instinct, ouais. Mais ils sont peut-être trop occupés sur Kinexport Rivals. Un gros projet. Ouais. Ce qui se vendra, qui se vendra infiniment mieux que Killer Instinct. C'est bon, clair. c'est une autre histoire. dans les surprises aussi, on peut citer quand même Dead Rising 3. Oui, clairement, ouais. Ce qui est une surprise, c'est en fait l'exclusivité, je pense, tout simplement. C'est-à-dire que le fait que Dead Rising 3 sera, déjà en plus, ce sera un jeu édité par Microsoft. Distribué et qui est édité par Microsoft. Donc en fait, ils ont la main mise sur le jeu, ils vont le garder. Donc je pense mais que c'est pas, pour moi, c'est pas trop une surprise, vu que les deux premiers étaient déjà exclusifs à. Non. Le 2 était sorti sur PlayStation 3. Le 2 était sorti sur PS3. Bon, autant pour moi, alors. Donc le fait que ça revienne chez Microsoft en exclu, c'est quand même une petite surprise pour ma part. Oui, pour moi c'était une surprise aussi. Et en plus, ça a l'air bon. Il y a un vrai changement d'ambiance par contre. Changement d'ambiance. C'est premier degré. Sérieux, mais ouais, faudra voir. Mais c'est techniquement, en tout cas, moi ça m'avait plu, quoi, de voir le nombre de. C'était un peu le. C'est une vraie apocalypse zombie, quoi. Voilà, c'est ce qui a fait connaître la licence aussi, c'est le nombre de zombies qu'on voit, et bon, là, ça risque de prendre encore des plus grosses proportions, et techniquement, si ça suit, c'est ce qu'ils ont annoncé, quoi, qu'il n'y aurait pas de temps de chargement, ça devrait être super, super cool à jouer, quoi, je pense. Ouais. Donc on retrouvera aussi tout le système de craft des armes qui était déjà présent, notamment sur le deuxième épisode. Voilà une surprise c'est en tout cas que certains pouvaient attendre parce que par rapport aux deux premiers épisodes Puis il a l'air moins rigide que les deux autres aussi, ouais, effectivement, ouais. Alors dans les confirmations, on a quand même Halo qui a clôturé parfaitement. Pas vraiment une surprise, ça, du coup. Ouais, mais la façon dont ça a été présenté, quand même, la vidéo, elle claque. Ouais, ah, justement, bah ça, ils ont pas montré grand chose, quoi. C'est plus un teaser d'un jeu, c'est plus le teaser d'un jeu qu'on savait qui arriverait tôt ou tard, et donc, de toute façon, bon, quelque part, la surprise, c'est d'avoir montré le jeu qui, à mon avis, n'est peut-être pas prêt avant un bon moment. Fin 2014, début 2015, ouais, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et non, moi, la plus grosse surprise, c'est que ce soit pas Halo 5, c'est Halo. Tout simplement. Ouais. Surtout qu'en même temps, ils teasent, je crois, le Halo 2 Anniversary ou un truc dans le genre. Enfin, ils parlent de. J'ai vu une news comme ça, comme quoi. Ouais. Bah, c'est très probable, ce genre de truc. Ouais. Ouais. Bah, surtout que ça fera patienter, quoi, en attendant Halo 5. Tout simplement. Moi, j'ai une surprise quand même qui m'a. Qu'on a été une, même si bon, le jeu ne sera pas forcément très très bon. C'est Sunset Overdrive. Ah ouais. Oui, l'incendie. Oui, ouais. Qui a été c'est présenté. Coloré, alors, ça fait bizarre. C'est Ted Price. Ouais. Donc Ted Price, c'est Insomniac Games. Mm-hmm. C'est Fuse. C'est Fuse, ah, mais c'est, ce qui était marrant, c'est que le jeu a été présenté comme par le papa du créateur de, par le créateur de Spyro the Dragon. Et il était donc Ted Price a été présenté comme ça pour venir parler rapidement du jeu, même si finalement on n'a pas vu grand chose sur ce que alors, on a vu qu'un trailer. Un trailer. Ouais. Et on n'en sait absolument pas plus. Mais bon, rien que pour l'ambiance et coloré et tout, ouais. ça portait, c'était bien quoi. Ça a l'air fun. Un peu de ça voilà. A l'air vraiment cool. Par contre, faut pas que faut pas que ça fasse le syndrome Fuse où ils avaient montré un truc hyper coloré. Qui a l'air assez sympa, et puis l'année d'après, il te montre un FPS générique. Ouais. C'est, j'espère que ça va pas faire ça, mais c'est vrai que la c'est DA FPS, et tout. Je sais plus. Un de quoi shooter. Oui, c'est un shooter. Fuse. Fuse, de quoi au début, comment il s'appelait? C'est un FPS ou un TPS? C'est un TPS. D'accord. J'ai eu des sourds. est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vous ont marqué ou alors déçu par rapport à ça sur la conférence Microsoft? Je sais plus. Il y a Crimson Dragon. J'en avais parlé au podcast près de 3 et j'ai été un peu déçu parce qu'il y avait pas de son. Oui, déjà ouais. Sans le son tout de suite, ça rend moins bien, c'est sûr. Et puis, ils ont pas monté grand chose et puis ça a l'air d'être un rail shooter un peu basique, enfin on a rien vu et en fait ils en parlent pas, donc je sais pas. Il y a eu un rapide teaser aussi de D4, de ce qu'on fait de Deadly Premonition. Oui. Bon, on a pas vu grand chose, mais bon c'est toujours avec un style pareil très... quoi, on attend vraiment, un peu à la Grasshopper. J'aurais dit la Walking Dead plus quoi, mais aussi. Bon, faut pas oublier non plus le jeu finalement qui sera exclusif sur Xbox One des créateurs de Sword and Sorcery. Oui, The Great Bilo, je crois, un truc comme ça. Ouais, Bilo. Ouais. Bilo, voilà, Bilo. Oui, ouais, de Sword, enfin, de Capi, ça s'appelle Capi. Donc ouais, des développeurs de Sword and Sorcery qui ont toujours le même style graphique, très très particulier, et ouais, qui promet quand même. Un mot vite fait aussi sur The Witcher 3 où on comprend que... Ah bah ça va claquer, tout simplement, ça va claquer. Alors, sauf quand tu vois la séquence en cheval et que t'as vu la séquence en cheval dans MGS5... Ah c'est pas pareil en même temps. Tu fais, bon après je l'ai pas prévu pour faire que ça non plus, mais... En tout cas c'est un open world aussi. Oui aussi, ouais. On veut ça en même temps, oui voilà, c'est The Witcher, donc... Je pense que les mecs de CD Projekt vont bien prendre le temps de le peaufiner, vont nous sortir un truc qui va claquer. Qui va être très très bien, tout à fait. Oh oui. Il y a Dark Souls 2 aussi qu'on a vu très rapidement. En un trailer, ouais. Bon, celui-là aussi, c'est une valeur sûre, je veux dire. Ouais, voilà, ça sera pas une révolution, ça sera. Ça va contenter les gens qui sont fans de Dark Souls, quoi, qui veulent de la difficulté. Ils sont de plus en plus nombreux quand même. Exactement, et qui ont envie en chier, qui adorent ça. Hein. Oui. Tout à fait. Alors, chez Sony, du coup, parce qu'on va passer du coup chez le constructeur d'en face, je vais vous citer finalement ce qu'on va faire, c'est que je vais vous citer les jeux et vous allez me dire si. Ouais. C'est le plus facile, je pense. Si vous les attendez, il y en a certains qui vont être forcément des surprises parce qu'on les attendait pas du tout. Mm-hmm. Je pense notamment à Mad Max. Il était un petit peu teasé par Avalanche, mais on n'en savait pas plus. Là maintenant, il est confirmé. On s'attendait à Just Cause 3 quand même. Ah moi, non, ça, on, les rumeurs disaient justement un jeu dans l'univers de Mad Max. Ah ouais, ouais. Ah bah, oui, moi, oui, c'est, oui, oui, oui. J'adore l'univers et tout, donc rien que pour ça, je vais suivre le jeu, quoi, mais en passant, on a rien vu. Quoi. Donc, ouais, il a été montré dur de... Behind Closed Door, je crois. Voilà, c'est dur de s'enthousiasmer pour quelque chose. Grand chose. Mais ah, le, trailer, le trailer est pas mal. Oui, oui, oui. Et puis bon, on a quand même Avalanche, je veux dire, Avalanche, Just Cause 2, il y a quand même une garantie que ce sera encore un open world, mais que ce sera pas mal. Est-ce qu'il y aura un grappin? Ah bah la grande question. Mais, et quand j'ai vu le trailer, moi je pensais au début que c'était une adaptation de Ken le Survivant, en fait. Ah non, non. Ah bah... Ouais, il y a un peu de... Ah, Mad Max. Ken le Survivant, de toute façon, ouais, c'était une adaptation, l'adaptation japonaise de Mad Max. C'est clair. Ouais. Alors... On parlait tout à l'heure de The Order 1886. Bah, c'est rangé dans ceux qu'on n'a pas vus, mais qui font quand même envie, quoi. Oui, oui, oui. Bah, Ready at Dawn, hein, ils ont quand même fait des bons jeux pour Sony. Ouais. Donc, après, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été dans des projets d'envergure pour Sony. C'est quand même le premier projet d'envergure sur console de salon pour ouais, Sony. Et donc, on va voir ce que ça licence, quoi. Exactement, voilà. Hein. Mais ils sont deux, hein, parce qu'il y a Ready at Dawn et il y a aussi Santa Monica. Il y a Santa Monica, ouais. Les créateurs de God of War. God of War, ouais. Donc, ouais, on peut quand même s'attendre à quelque chose de costaud, quoi. Tout à fait. Le Assassin's Creed, parce qu'on l'a vu notamment sur la conférence ouais, Sony. Valeur sûre, mais... Bah, valeur sûre, ça va être la même chose que... Ça va moi, poursuivre ça me fait plus l'histoire. Envie, mais ça va cartonner encore. Hein. Et il serait sur Wii U aussi, non? Ouais. Exact. Et tous les gros jeux Ubi de la fin d'année sont sur Wii U. Ubisoft, c'est un des seuls éditeurs qui sort à peu près tous ses jeux, on va dire à 80%, et ils sortent aussi sur Wii U. Il y a Ubisoft et Warner Bros. C'est les deux seuls éditeurs qui sortent à peu près leurs jeux. Activision va certainement sortir aussi Call of. Oui, voilà, ouais, mais ils viennent beaucoup moins. Exact. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on peut en citer. Il y a Transistor aussi, du coup, parce qu'on parlait des jeux indés. Ouais. Ah bah ça, c'est par les mecs de Bastion, donc c'est quand même. Comme quelque chose qui est attendu par la déjà, communauté graphiquement, des... ça donne, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est super joli. Ah oui, c'est très joli. Bah, c'est comme Bastion était aussi joli quand tu vois. Et qu'il y avait une belle narration aussi, Bastion, c'est ça qui a. C'était la voix off qui narre en direct, en live. Bah, la voix off et la musique, voilà. D'ailleurs, Sony a fait quand même quelque chose de très fort, je trouve. Chose qui a bien fonctionné par rapport à l'organisation de la scène, c'est-à-dire que tu voyais, il y a eu 8 jeux indépendants. Ont été présentés, ouais. Et les 8 en fait étaient visibles tous en même temps sur l'estrade. Donc il y avait Transistor, il y avait Oddworld, il y avait Monster, Octodad aussi. Oui, Octodad. Outlast. Outlast, ouais. Il y avait un Mercenary King, je crois, oui. Qui s'appelle un peu un Metal Slug like. Qui a l'air pas trop mal. Donc il y a quand même une... Sony a en tout cas mis en avant le jeu indé par le biais de ces 8 exemples-là. Ben ouais. Sony lance l'offensive tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'on sait que d'année en année, Microsoft a beaucoup déçu au niveau des développeurs indés, et que maintenant Sony récupère tout cela peu à peu. Ils hein. Il misent beaucoup plus, ouais, Sony. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, Microsoft qui les a abandonnés plus ou moins, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, Cela dit, Microsoft vient d'annoncer qu'il y aurait plus besoin d'éditeurs pour ouais, rétro-pédalage, quoi. Ouais, c'est pareil. Ils sont obligés de s'aligner. Ils sont obligés sur les autres. Ouais. Parce que quand même Nintendo a fait beaucoup d'efforts pour tout ce qui est jeux indé. Dernièrement, ils ont. Justement, quand on voit ce que fait actuellement Nintendo et Sony au niveau de tous les jeux indés qui sont financés par Kickstarter et tout. Oui, oui, oui. La moitié vont sur Wii U, l'autre moitié. Ouais, et alors qu'il y a rien qui est annoncé pour très peu, en tout cas beaucoup moins pour du côté de chez Microsoft. Alors qu'au début, c'est un peu eux qui ont lancé la mode, sur console. Le plus gros exemple, c'est The Witness de Jonathan Blow. Qui avait fait Braid, qui était exclusif à 360, et qui maintenant fait The Witness, c'est exclusif PS4, quoi. Et PC, mais ouais. Oui, bah, faut quand même le préciser. Exclusif sur console. Sur console, voilà. Ouais. Mais oui, voilà, c'est l'une des des conséquences en fait de la génération actuelle. C'est l'émergence de plus en plus grandissante du jeu indé qui se poursuit en fait sur les consoles maintenant, sur la next gen. Donc c'est pas une surprise. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse poussée des jeux indépendants. On n'a pas oublié non plus les jeux quand même très les triple A. Très on va dire grand public, en tout cas voilà, qui ont parlé à beaucoup de gens. Alors il y a le fameux Elder Scrolls Online qui apparemment est très décevant. Des échos que j'ai lu à droite à gauche. Moche. Très moche et très décent. Bah après, tu vois, c'est un MMO, donc est-ce que c'est fait pour... Il a l'air très moche pour un MMO. Voilà. C'est ça le problème, je crois. Ah bon, en plus, c'est vrai, d'accord. Ouais. Et oui, parce que aussi, Sony, justement, a montré qu'il voulait aussi s'intéresser d'une certaine façon au MMORPG, ce qui aura notamment des choses supplémentaires sur la version PS4 par rapport aux autres versions, quoi. Maintenant, est-ce que le modèle économique va accrocher sur console? Parce que bon, sur PC, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il y a WoW qui domine tout, et donc le modèle économique est déjà installé à ce niveau-là. Mais sur console, le MMO n'a jamais réussi à vraiment s'implanter. Donc, on peut aussi parler du projet de Quantic Dream. Alors, The Dark Sorcerer. Où Quantic Dream se met à l'humour. Bah après on sait pas, si ça se trouve c'est en entier. Voilà, et puis ça se trouve c'est qu'une démo technique, et puis Ouais, j'ai pensé à ça, je me demande s'il y a il semblerait qu'il y a un vrai jeu derrière, mais pour l'instant ce qu'on a vu, ça c'est plus une démo technique. On sait pas ce que c'est comme jeu, quoi. En fait, c'était rigolo, quoi, mais un peu comme le cours qu'ils avaient montré, je sais plus comment il s'appelle, avec la fille, avec l'android, ouais. Oui. Donc si ça se trouve, ça aura aucun rapport avec le jeu. Ouais. Ou alors ils vont reprendre seulement le personnage et ce sera sur un autre contexte, mais wait and see maintenant. Pour terminer sur ces jeux-là, sur les jeux, alors là on est sur la conférence Sony, mais le jeu sera aussi disponible sur Xbox One. C'est Destiny. Très bonne surprise, je pense, au niveau de la DA. Son effet, graphiquement. Bah, après, graphiquement, on est sur Bungie, donc Bungie. Il y a une certaine assurance hein, avec Bungie, voilà. Je trouve ça quand même dommage de leur part. Je pensais qu'en voulant sortir de Halo, ils seraient partis vers autre chose. La sécurité. C'est même pas la sécurité. Non, mais ils ont toujours fait ce qui leur plaît, quoi. Non, et puis même, ils ont toujours fait des FPS, même au-delà de la Xbox. Je veux dire, ils ont fait Marathon. Je parle pas du FPS, je parle de l'univers. L'univers. En fait. Moi, je pense que c'est exactement ce qui leur plaît. Exactement. Et c'est ce qu'ils auraient voulu faire avec Halo. Et voilà, à mon avis, c'est pas. Sur ce point-là, c'est pas une décision commerciale ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. Je pense aussi. Pareil. Mais l'univers a l'air absolument génial et graphiquement il défonce. Et après faut voir au niveau gameplay et tout, mais bon, c'est Bungie, ils savent ce qu'ils font. Je pense que ça va être un très très gros jeu. Enfin, il n'y aura pas de soucis, je pense. En tout cas, des retours qu'il y a, c'est un des jeux du salon, clairement, quoi. Alors on va commencer à voir émerger la conclusion de l'émission. Par contre, alors pour arriver à la conclusion même de cette émission, on va quand même se poser plusieurs questions qui ont vu le jour, notamment après avoir vu les conférences, après avoir vu les différentes réactions des têtes pensantes chez Microsoft, chez Nintendo, chez Sony et chez les gros éditeurs. Alors la première chose d'abord, c'est l'occasion. On a vu que Sony avait quand même marqué un pas décisif face à Microsoft, qui a souhaité mettre en place un nouveau système de jeu, alors qui était quand même assez compliqué, hein, ça a été modifié depuis, mais quand on reprend les principes, c'était quand même extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on achetait le jeu, on mettait le jeu dans la console, on avait en fait finalement la galette ne servait à rien, on avait juste un code d'activation. Et derrière, la galette, CD... On fallait réinstaller le jeu obligatoirement. Et on pouvait jouer sans le Blu-ray. Et après, il fallait une connexion toutes les 24 heures sur sa console et une connexion toutes les heures sur la console d'un ami. Enfin, c'était un peu bordel. Le bordel. Et on pouvait revendre ses jeux. Mais fallait racheter un pass derrière qui était au prix du jeu neuf. Enfin, Oui, c'est c'est n'importe quoi. complètement idiot. C'est Ouais. complètement Oui. idiot. Et donc, du coup, bah, finalement, alors qu'on pensait vraiment, notamment les éditeurs poussaient pour qu'on arrive sur une situation proche de ce que proposait Microsoft, on est sur ces nouvelles consoles, les consoles nouvelle génération, sur un statu quo. Poussé, hein. De toute façon, c'est Ouais, et totalement puis. poussé, hein. Il y a eu des Donc, après. pressions, hein, il y a eu Et des pressions. ça peut encore changer, hein, parce que là, pour l'instant, du coup, ouais, c'est revenu à la normale, entre guillemets, pour le lancement. L'occasion, mais Ouais, je dans le pense courant de la que, génération. ouais, selon comment ça évolue, ils peuvent encore revenir sur leur décision C'est de clair. façon plus ou moins directe, quoi, mais je pense Surtout que. qu'on a tôt ou tard, ils vont essayer d'imposer ce truc, quoi. Surtout que c'est clairement ce qu'ils veulent, enfin les deux constructeurs, hein, ils veulent se Oui, diriger vers bah du oui. tout des maths, et Ouais. eux c'est l'avenir qui Ah voit, et ouais, c'est normal parce que financièrement, voilà. ça réduit les intermédiaires, ça permet Attends. d'éviter l'occasion Et de puis la t'as un revente et tout quoi. Donc contrôle c'est parfait ouais sur, c'est voilà, sur t'as ah, un contrôle pour parfait sur ton produit, quoi. Mais pour moi, de toute façon, Microsoft a eu un gros problème de communication, c'est-à-dire que ils avaient peut-être une stratégie qui était ouais plus ils... ambitieuse au départ, mais tout simplement, ils n'ont pas voulu la dire direct ah parce que ouais ils l'ont très mal vendu parce que je ils pense l'ont très mal qu'ils vendu, hein. voilà je pense qu'ils avaient Il y avait quand même une idée tout derrière la tête pour derrière toute cette histoire quoi, mais ils ont jamais réussi à convaincre D'utilité. les joueurs que regardez ce qu'on fait, ça va être bien en fait. Ben, en fait non, on ne voyait que les inconvénients quoi. Ils ont jamais montré en quoi leur système ça allait être cool. Donc ça m'étonne pas enfin ça a étonné tout le monde qui fasse machine arrière là-dessus quoi, mais je pense que c'était quand même ce qu'ils avaient de plus intelligent à faire, Mais quoi. moi, je pense qu'il y a une raison, c'est que je pense que peut-être que Microsoft aurait pu avoir l'idée de faire un système justement à la Steam, c'est-à-dire avec des périodes de promo intenses sur des jeux, et que le fait que peut-être de le dire publiquement, ça aurait fait douter les joueurs, de dire oui, mais alors s'il y a des soldes, je vais pas tout de suite acheter la console, je vais attendre les jeux qui soient pas chers et puis j'achèterai à ce moment-là. Oh. Faut pas oublier que moi je repars du côté de chez Sony. Sony a quand même l'expérience de la PSP Go Ça aussi. qui a dû quand même les refroidir méchamment. Alors déjà d'une part sur le côté dématérialisé des jeux, mais forcément le côté dématérialisé des jeux impliquait le fait qu'on puisse pas prêter des jeux à ses amis. Et forcément, quand ils ont vu la réaction de la distribution, que ce soit la grande distribution ou la distribution Ouais. Mais je crois que c'est spécialisée. surtout ça, hein, c'est la grande distribution. Je Ouais. veux dire, il faut bien comprendre que GameStop, par exemple, aux États-Unis, est très très puissant au niveau des ventes de jeux. Et si tu t'attires, si tu te mets GameStop à dos, c'est très moche. Je veux dire, au niveau pour après vendre la console, il va falloir s'accrocher, quoi. Donc c'est pour Bah, c'est ça qu'à mon ça, avis, ouais. il y a eu un certain recul à ce niveau-là. Je pense que c'est beaucoup plus les trucs de GameStop que les joueurs, en fait, que ça a joué. Je pense, hein, Il y a après. eu les deux, je pense, parce qu'il y a quand même une pression continue des joueurs Oui. sur bah attendez les gars, nous on paye pour jouer à un service et vous bridez le service qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Donc il y a quand même eu un double mouvement à mon avis de la part de la distribution et de la part des joueurs qui ont fait que Microsoft n'est pas fou. Microsoft, son but c'est de faire rentrer de l'argent, c'est comme n'importe quelle entreprise commerciale. Donc Ah bah à oui. partir du moment où les consommateurs avant même que la machine soit sortie parce qu'on a plus de 6 mois du lancement avant même que la bon, on a 6 mois du lancement d'ailleurs avant même que la machine soit sortie on se retrouve avec énormément de mécontentement sur quelque chose qu'on a encore la possibilité de modifier. Donc, si ça veut leur faire gagner quelques millions en plus, ils vont pas s'en priver, ça c'est clair et net. Totalement, hein. C'est ça de toute façon. Hein. Donc du coup, bah, l'occasion reste en place. Chez Nintendo, de toute façon, on s'est pas posé la question parce qu'on s'est dit, à partir du moment où on fait des bons jeux, on n'a pas besoin de se poser la question. Moi, je trouve ça cool comme réflexion. Bah non, mais c'est vrai. Ça un Si, peu enfin, quand moi, mes jeux, je les même. revends pas. Si mes jeux ils sont bons, j'aurais encore Ça envie d'y rejouer. marche pas avec tous les jeux, mais c'est vrai qu'ils ont cette déclaration, On a mine de l'impression rien. qu'ils les prennent de haut. Oui, Je voilà, pense ouais. pas Non, ça, mais je pense c'est que juste que. c'est vrai que quand tu penses à Mario Kart, c'est rare de revendre son Mario Kart, quoi. Tu sais, Voilà, c'est clair. tu sais que c'est un jeu que du même de, quand t'as n'importe qui vient chez toi qui est pas forcément un joueur, voilà, tout le monde sait jouer à Mario Kart, tout le monde s'amuse à Mario Kart. Au-delà bon, de ça, au-delà de ça, Nintendo a cette chance d'avoir ses propres jeux vendus à un prix d'occasion très proche du prix neuf. Ah ouais, bah, ça, parce que les gens achètent même à des prix affolants en occasion. Et voilà, non, mais c'est ça aussi qui fait que Nintendo là-dessus est vraiment à part d'un Microsoft et d'un Sony, parce que les jeux se vendent sur le long terme. Ouais, mais tout est lié, c'est parce que les jeux continuent de se vendre sur le long terme qu'ils baissent pas, qu'ils baissent pas dans le ouais. Parce que les jeux ont une replay value que beaucoup d'autres jeux n'ont pas forcément non plus quoi. Oui, et c'est aussi le fait que on leur reproche beaucoup de par exemple un Mario, il y a pas d'histoire, mais ça joue aussi parce que c'est un jeu où on peut revenir par petites touches facilement, alors qu'un jeu comme Uncharted ou comme beaucoup d'autres jeux qui sont enfin où ils ont une ligne directrice forte. C'est des jeux, une fois que tu les as finis, généralement, à part s'il y a un aspect scoring ou quoi que ce soit, t'y reviens pas. Donc clairement, tu t'auras plus de tu le revendras plus facilement en occasion que, oui, c'est sûr. Qu'un Mario quoi. Donc là-dessus, voilà, Nintendo, c'est quand même une réponse simple mais efficace. Ouais. Bah, ça faisait un peu troll du coup quoi, mais bon. Oui. Mais je suis sûr en plus sans le vouloir quoi, vraiment c'est le côté Après, ça dépend si comment c'est retranscrit. Hein. Souvent, les interviews comme ça, les passages. Là, c'est vrai que moi, j'ai vu, c'était un peu retranscrit. De toute façon, nous, ça nous dérange pas. Nos jeux sont tellement bien que personne les revend. Non, et puis c'est Reggie qui l'a dit. Hein. Il prend des noms, il botte les fesses. Ouais. Hein, alors, une autre chose qu'on a vue sur le 3 2013, donc on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission, ce sont les jeux à monde ouvert, donc les open world, qui ont vraiment marqué, alors que ce soit sur The Division, que ce soit sur Metal Gear Solid 5, que ce soit sur un jeu à venir aussi comme Mad Max. Ouais, et déjà Watch Dogs aussi, d'avant. Assassin's Creed. Même Dead Rising 3, il a l'air assez ouvert ça aussi. Ça va être ouvert, effectivement. Même The Crew, dont on n'a pas parlé. Tous les gros jeux, c'était quasiment tous en monde ouvert. Je serais presque tenté de rajouter tous les gros jeux next-gen. Je veux dire, on le voit, c'est vraiment de la next-gen qui s'est mis au monde ouvert. Quoi. Là, clairement, par rapport à... on a toujours la même idée de... les next-gen, elles apportent que graphiquement. À chaque fois, au niveau de l'IA, des choses comme ça, on nous promet des nouvelles choses et puis au final, il y a rien. Mais là, clairement, c'est le fait qu'il y ait autant de monde ouvert, c'est clairement dû à l'avancée technologique des nouvelles consoles et comme on l'a dit précédemment, de la mémoire vive des consoles qui est 8 fois plus importante et beaucoup beaucoup plus rapide et qui permet ça quoi. Exact, ouais. Du coup, ce qui en découle aussi derrière, alors non, ce qui en découle pas forcément derrière non plus, mais l'arrivée du second écran, alors Ubisoft a une réponse très drôle là-dessus, c'est-à-dire que ils se sont servis de leur expérience sur la Wii U, notamment avec Zombie U, pour proposer, entre guillemets, une expérience d'un second écran sur les consoles next-gen, donc par le biais d'une tablette. Avec Smart Glass, et puis Sony aussi, oui. Voilà. Donc c'est vraiment aussi l'arrivée du second écran qui montre finalement que la Wii U est... Alors, je était dans le vrai. On l'a vu à l'E3, on l'a tellement vu. Mais non, mais ça reste à prouver encore. Parce que... Sur la Wii U, je veux dire, je regarde le gamepad, mais même Nintendo ne propose pas de jeu justement qui me justifie totalement ce gamepad. J'en ai déjà parlé, mais vas-y Romain. Non, je veux dire, alors on parle toujours du gamepad comme un second écran. Faut pas oublier aussi que ça peut être l'écran de jeu de la console. Clairement. Oui, clairement. Ouais, le mais FTV, ce que je veux dire, c'est que quand on voit par exemple l'intérêt du gamepad sur, je prends un jeu comme Zombie U par exemple, moi je me dis ok, là je vois l'utilité du gamepad. Là quand je vois par exemple, on va reprendre l'exemple le plus con, mais le truc du klaxon, je suis désolé, mais moi ça me fait dire ouais pourquoi ils le font, pourquoi ils ont sorti le gamepad. Bon, j'espère qu'il y aura autre chose quand même que ça. Quoi, j'espère parce aussi. Que... Non, mais on n'a pas encore tout vu. Ouais, je pense que sur le multi, on est clairement d'accord là-dessus. Je pense que sur le multi, on va avoir que rien que le Sonic Racing là qui est sorti aussi sur Wii U, le gamepad permettait de jouer jusqu'à 5, quoi. Parce que du coup, ça faisait un écran supplémentaire. Un écran supplémentaire, ouais. En plus, donc rien que ça, déjà, c'était un petit plus, quoi. Ce serait la moindre chose que. Ouais, puis je vois bien un espèce de Mario Chase de Nintendo Land dans Mario Kart, quoi. Avec un joueur qui joue en écran déporté avec un. Enfin, en gameplay asymétrique, quoi. Avec un kart qu'on voit pas et puis il a la map et puis il doit éviter les autres. Non mais ouais, c'est le genre de truc que j'attendais moi de Nintendo, parce qu'en plus vu qu'il y a les concurrents qui arrivent, et bah c'est là aussi une déception, c'est que je pensais que Nintendo justement allait montrer un jeu ambitieux qu'il utilise justement. Ouais, voilà, un truc regardez c'est peut-être pas nos jeux sont peut-être pas aussi beaux, mais regardez, nous on a le gamepad, on peut faire ça. Et en fait non, ils l'ont pas montré du tout, ils ont passé complètement et finalement, second plan justement le second écran. J'ai l'impression que c'est un peu comme en fait comme les autres utilisent la tablette, c'est-à-dire une genre de feature sympa mais pas clairement là, voilà. Mais c'est ça, c'est en fait c'est un outil parmi tant d'autres. Bah c'est ce que c'est devenu, mais c'est du coup c'est dur de commercialement, c'est dur de d'expliquer aux gens acheter la Wii U parce qu'il y a le gamepad, mais bon finalement ça servira pas pour beaucoup mais de jeux, quoi. Parce que les consommateurs se disent ouais mais alors si ça sert, enfin si ça sert à pas grand chose, pourquoi ils ne sortent pas avec une manette normale et puis voilà, on parle plus. La grosse différence c'est que en fait il y a déjà ils en ont pas parlé quasiment à l'E3 parce que ils se sont cassés les dents deux fois dessus, sur les précédents E3, et que bah voilà, communiquer c'est pas faisable. C'est très dur. Parce qu'il y avait des interviews des développeurs qu'on pouvait voir sur le site de Nintendo, et ils en parlaient un petit peu, quoi. Ils faisaient allusion à regarder ce qu'on pourra faire. Enfin, ils montraient vaguement un peu à quoi pouvait aller servir quand même le gamepad. C'est pas évincé de leur stratégie. C'est juste que. C'est un truc qui se comprend quand tu l'as dans les mains. Et donc, c'est difficile de communiquer dessus. Mais je pense que Mario Kart, pas... à mon avis, il en aura. Il y a Wii Fit U. Wii Party U. On n'a pas beaucoup parlé, mais tout ce qui est parti en avant. Oui, mais tout ce qui est parti, c'est le problème, sûr que voilà. Ça marchera bien. Mais il y a toujours des jeux qui l'utilisent et on n'en parle pas, mais le OFTV, c'est très très important. Moi, je joue quasiment en ce moment à la Wii U, j'y joue quasiment qu'en OFTV, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut pas faire sur les smartphones ou sur les autres. Et ça, je pense que ça fait une grosse différence. Le problème, c'est qu'on peut pas, communiquer là-dessus, ça sert à rien parce que les gens, tant qu'ils l'ont pas dans les mains, ils comprennent pas. Ouais. Et je pense que c'est là où Nintendo s'est planté, l'année dernière pour Noël. Et j'espère qu'ils vont pas faire la même erreur, c'est qu'ils ont pas fait de stand dans les supermarchés et trucs comme ça. Et que c'est là qu'il faut qu'ils mettent le gamepad dans les mains des gens. Ouais, ouais. Et c'est là-dessus qu'ils vont faire la différence. Ça reste quand même beaucoup plus compliqué à vendre au grand public que la Wii, quoi. La Wii, voilà. Bah oui, c'est tellement super simple. Dur. Mais là, c'est super dur. Ouais, c'est quand même bizarre que pour un salon, là le 3 quand même, c'est regardé par beaucoup de joueurs qui montrent pas ce que la console peut apporter en plus, quoi. C'était quand même décevant parce que je pense qu'il manque surtout à Nintendo un gros jeu un jeu symbole. Voilà, un jeu symbole, je veux dire que Nintendo Land est très sympa, mais ça reste un petit jeu, enfin un petit Voilà, c'est-à-dire que si cantonne les l'utilisation de la mablette par du party game, ça ne donne pas la justification. Zombie U a montré l'utilité, mais il était décevant à d'autres niveaux, donc de rien, ça reste un petit jeu. Il y avait des idées. Mais donc il faudrait un gros jeu qui fasse l'unanimité et qui montre qu'est-ce que peut apporter le gamepad. Et moi, c'est ce que j'attendais de maintenant. Pour moi, c'était le bon moment de même si ça sortait pas là en fin d'année, d'au moins de le montrer pour dire aux gens regardez quand même, elle est pas toute pourrie notre console. non mais c'est surtout pour dire regardez notre mablette, avec ça on peut faire ça et on pourra le faire n'importe nulle part ailleurs. Alors que là c'est même pas forcément au Nintendo Direct mais c'est même les zooms des sites tout simplement. Je veux dire, des articles à droite à gauche, il y avait rien qui me disait la mablette, il y avait ça. Non, il y avait il disait il y a des gadgets, on pourra faire le klaxon. Super. Ouais. Non, mais toi, t'as retenu que le klaxon, mais il y a d'autres trucs. Ah non, j'ai pas retenu ça. Ah non, il y a Wonderful 101 qui l'utilise, il y a Pikmin 3 qui l'utilise. Même Bayonetta 2 l'utilise. Bayonetta 2, il y a Wind Waker qui l'utilise. Oui, ça par contre, pour Wind Waker, ça pourrait être sympa. Mais tous les jeux l'utilisent. Mais ça reste du gadget. Ça reste du gadget, c'est du features. Ça dépend. Par exemple, Pikmin 3, tout le monde... Enfin, à la sortie du Nintendo Direct, tout le monde se dit c'est gadget. Mais pour moi c'est un vrai plus le problème c'est que les gens s'attendent à un truc énorme du fait que ça a été mis en avant et tout. C'est clair qu'ils se sont plantés, mais c'est comme la 3D à ce moment-là ils ont qu'à sortir une console sans la mablette. Mais non, parce que ça fait partie intégrante du concept. Mais c'est en train de devenir un boulet pour Nintendo. Je pense que c'est en train de devenir pour les éditeurs, c'est un boulet. On s'intéresse là, vous parlez que de Nintendo. Est-ce que vous pensez que le second écran justement ça va se démocratiser sur les autres consoles, ou alors est-ce que c'est justement uniquement un gadget? C'est une mode pour moi. C'est comme tout. Si commence à y avoir vraiment des jeux qui est très bien exploité avec un deuxième écran, ça va. Beaucoup de jeux l'utiliseront quoi. Si ça marche, il y a une demande. Ouais. Si ça marche auprès des joueurs, s'il y a une demande avec ça, tout le monde le fera. Mais si ça intéresse que Ça intéresse trois personnes. Ils vont dire on va peut-être perdre du temps avec ça. Faut pas oublier que c'est quand même un budget quoi. C'est pas parce que souvent en plus les gens qui achètent une tablette vont pas forcément acheter une console derrière et vice versa. Ouais voilà. Parce qu'il y a quand même, c'est-à-dire que les tablettes vont même coûter, si on prend l'exemple d'Apple et de l'iPad, vont même coûter plus cher que la console en elle-même. C'est le genre de truc, si tu prends par exemple The Division. Un simple smartphone, tu peux l'utiliser en campagne app. En tout cas, tous les premiers, les early adopters, les premiers acheteurs des consoles next-gen, c'est quasiment sûr, ils vont tous avoir un smartphone, une tablette. Donc ils vont pouvoir en profiter. Après, est-ce que l'intérêt restera, se développera, on trouvera des vraies idées de gameplay, ou si c'est juste balader un drone dans le niveau. Moi je pense que ça va être très limité quand même. C'est ce qu'on avait alors notamment sur The Division, t'avais aussi sur Battlefield 4. Dead Rising, tu pouvais lancer un truc aérien. Et en fait, j'ai vraiment vu moi sur les deux conférences, je pense la conférence Sony, la conférence Microsoft, deux utilisations bien différentes des tablettes. C'est-à-dire que chez Sony, en tout cas chez les jeux présentés, même chez Ubisoft, on prend l'exemple de The Division, il y avait vraiment la possibilité d'affecter une partie, d'avoir vraiment un lien fort avec la partie sur laquelle on est en train de jouer sur la console. Et chez Microsoft, on est plus sur le côté ajout d'un service supplémentaire. Alors, je prends l'exemple de Rise qui a été montré, où on avait la possibilité de voir la progression de la mission. Par exemple, il y a quelqu'un qui joue à Rise et t'as quelqu'un qui est à côté qui regarde et qui voit en même temps bah, les statistiques du jeu, la progression du jeu. Il peut également voir des vidéos de, ça peut être de gameplay, des vidéos de multijoueurs, etc. Donc, on est vraiment sur deux visions différentes des choses. Alors, chez Microsoft, rien ne dit pas qu'on pourra pas s'en servir d'une façon standard ou comme une attaque de drone ou d'autres choses différentes, mais sur le coup, on était vraiment plus sur le côté, on accompagne le joueur en lui donnant le plus d'informations possible et pour faire participer aussi les autres personnes sans forcément que ces personnes-là rentrent dans le jeu directement. Donc je sais pas, en tout cas là on est sur ces exemples-là. On a vu deux expériences différentes de jeu, mais à voir derrière comment ce sera, comment ça va évoluer et comment ce sera aussi digéré, pardon, par le joueur, parce que tu pourras pas avoir ta tablette sur les genoux ou ton smartphone sur les genoux, avoir ta C'est manette dans les pas, ouais, mains c'est pas évident quoi. et C'est être beaucoup de choses à gérer en même temps quoi. donc D'où l'intérêt c'est du gamepad. puisque l'écran Je est pense vide. qu'il se place aussi, mine de rien, avec le deuxième écran, c'était un peu au cas où la Wii U, enfin, pour l'instant c'est très mal barré, mais imaginons qu'elle ait du succès finalement, au moins ils sont pas, ils montrent déjà qu'ils ont Eux des aussi, jeux hein. qui, voilà, qu'ils ont des jeux qui sont compatibles avec le deuxième écran et ils se font pas avoir comme ils se sont fait avoir avec la Wii. Où ils ont mis plusieurs années avant de proposer aussi leurs accessoires pour faire de la reconnaissance de mouvement. Là, au moins, tout de suite, au cas où Ouais. si la Wii U commence à marcher et que voilà, qu'il commence à y avoir de Tu voudrais dire que la Wii U succès. a, tu voudrais dire que la Wii U a quelques années d'avance sur la concurrence? Non, non, Non, non, justement, justement. je veux dire que au Comparé à cas la Wii, ils si ont. jamais si jamais ça marche, ils pourront tout de suite dire bah ouais, nous aussi Ouais. on peut faire comme sur Wii U, on a un deuxième écran et pas attendre 2-3 ans Voilà. parce que il l'avait pas vu comme Et d'ailleurs. avec la Wii, il l'avait pas vu venir, donc ça a mis un certain temps avant qu'ils se décident à proposer Kinect et PlayStation Move. Et là, du coup, ils veulent pas se faire, à mon avis, pas se faire avoir en commençant à proposer déjà des trucs au cas où ça remporte un certain succès pour certains jeux ou voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sony aussi a foutu son pavé tactile là sur la manette. Oui, Pour oui. avoir une zone Et puis tactile. et même avec la streaming sur PlayStation Vita, Ouais. ça rejoint aussi ça quoi. Ils s'est dit nous aussi on peut le faire. Voilà, c'est pour pas laisser Nintendo tout seul, comme ils avaient fait avec Clairement. la Wii en se disant et ça va jamais marcher leur truc. Et finalement ils sont un peu retrouvés comme des cons. Et là à mon avis, même si Ouais, pour ils ont l'instant anticipé, ouais. c'est très mal parti pour la Wii U, mais bon ils se disent ils doivent quand même ne pas Enfin, se dire qu'il y a peut-être quand même Un coup à possibilité jouer. pour que ça marche. Donc, dans le doute, ils préfèrent prendre des précautions et ne pas prendre 2-3 ans si en cas de si jamais il fallait développer quelque chose dans l'urgence quoi. Donc là, au moins Clairement, ouais. ils seront prêts si jamais le deuxième écran commence à devenir un truc vraiment obligatoire pour un certain type de jeu. Enfin bon, on n'est pas là encore, mais bon. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont montré le deuxième écran et puis mine de rien c'était aussi ça montre aussi n'achetez pas la Wii U, ça sert à, son deuxième écran il sert à rien, nous aussi on l'a quoi. Donc Oui, bah, c'est je clair, il y pense a qu'on une aura la stratégie de réponse de ça dans contre. quelques années hein, tout Oui, voilà, simplement. oui. Pour l'instant, c'est dur de prévoir Voilà. comment les choses vont évoluer. Surtout que là on est vraiment dans le flou quoi. On va On aller est dans le rapidement début. sur les dernières questions, si vous voulez bien. Alors, qui pour cette 3 2013, qui a gagné des points, qui a perdu des points Sony. Ouais, Sony a gagné quelques points, je pense, un peu par défaut. Enfin, Ouais. non, c'est ça qui est étonnant, c'est ils ont que. montré un peu, ouais, moins de jeux, peut-être intéressants, mais c'est le fait, c'est au niveau du hardware qu'ils ont marqué des points. Et Je peux. Alors du je pense qu'au prix final, c'est du. un peu kiff-kiff entre les Ouais, moi je suis un peu constructeurs et. nuancé. Moi j'ai envie de dire qui gagne, moi j'ai envie de dire les deux tout simplement. Vous avez Microsoft trois. pour les jeux et Sony Si pour j'ai les bien annonces compris, ouais. sur la console tout simplement. Battle des Donc c'est fans. pour ça que pour moi ça me fait kiff-kiff. Ça fait kiff-kiff. Bah, Après. surtout que Microsoft est revenu après sur les défauts, donc tout de suite ça change un peu la Voilà, ça vision. change un petit Parce peu que la zen, pour ouais. moi, par exemple, la Xbox One, c'était hors de question que j'envisage son achat, quoi. Mmh. Et depuis qu'ils sont revenus là-dessus, je me réintéresse un peu plus à leur jeu, quoi. Aux c'est jeux normal. Qui sont prévus sur la console et tout, je me dis bon, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas, quoi. Alors mmh. que jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à il y a quelques jours, c'était mais jamais de la vie. Oui, voilà. Donc bon, de rien, ça change vite quand même. Finalement, ça ne joue à pas grand-chose parce que les gens se sont arrêtés à ça chez Sony et du coup, tout le monde a vu Sony gagnant alors qu'en termes de jeu, on l'a vu plus tard. Hein, je veux dire, par exemple, les zooms, enfin les avis des sites qui ont été répertoriés à droite à gauche, ils ont clairement dit, bon, ben les exclus PlayStation 4 sont pas encore prêtes, tout simplement. Ouais, tandis que Microsoft est beaucoup mieux armé. Mmh. Ils sont plus à la bourre aussi, mais ça... enfin, quelque part, vu que Sony gère mieux la fin de vie de la PS3, oui. ils peuvent pas non plus, je pense, être partout à la fois. Et voilà. Et Microsoft, ça fait 2 ans que. Quelque part, pour l'image, pour les acheteurs PlayStation et tout, je pense que l'image qu'ils donnent Sony est meilleure, de rien, que celle de Microsoft, qui a abandonné sa Xbox assez rapidement et qui a fait du rétro-pédalage. Alors que Sony, ils continuent de supporter la PS3 encore là avec plein de bons jeux qui arrivent. Et même s'ils sont à la bourre pour la PS4, au moins ils font des annonces au niveau du prix et donc et pour l'occasion. Et même la console sera un peu plus puissante a priori sur le papier que la Xbox One. Donc quelque part, même si les premiers jeux qui ont été montrés là, ils sont un peu plus à la bourre pour la Xbox One. D'ici quelques mois, années, je pense que ça devrait au moins se rééquilibrer. Donc, et puis de toute façon, pour moi, Sony est un peu plus gagnant. Enfin, je place Sony un peu plus devant Microsoft. Sur le 3. Les 100 euros de différence, ça doit être ça. Ouais, déjà. Alors, beaucoup de personnes ont vu, parce que finalement, ouais, non, on va parler aussi de Noël, parce que Noël 2013 va être aussi un Noël charnière. Parce qu'on... Ça va être très très très, très dur. Hein. Il y a 5 consoles de salon à jeu. C'est vraiment l'inconnu, quoi. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Surtout, alors, on sait que Microsoft, la console sortira, la Xbox One sortira au mois de novembre. Chez Sony, on est un peu plus évasif, quant à une date de sortie. En tout cas, quand à un mois de sortie, parce qu'on parle d'une période, on est sur 2013. Donc ça va être le mieux pour une console finalement c'est pas sortir en décembre c'est sortir au mieux en octobre et au moins le mieux en tout cas pour Microsoft c'est ce qu'ils vont faire ça va être le Black Friday va être le alors je sais plus c'est quand exactement en novembre c'est pas le dernier, je sais plus, mais c'est courant novembre et c'est cette date qui vise à mon avis pour les États-Unis c'est là qu'il faut être faut que la console soit sortie à ce moment-là donc c'est le lendemain du repas de Thanksgiving donc c'est là où ils font tous leurs achats et c'est aussi important que Noël donc c'est l'avantage de la Wii U qui est déjà sortie quoi ouais et mais de la PS3 et 360 et ils vont très bien marcher encore c'est pour ça que je me sens vraiment pas bien pour les deux consoles qui vont sortir là la période d'adaptation il y aura une période il y a pas grand chose comme jeu et voilà, les consoles sont assez chères il y a plusieurs jeux qui sortent aussi sur PS3 et 360 quasiment tous les jeux, les gros jeux de cette fin d'année éditeurs tiers ils sortent dessus alors par contre on les a pas vus graphiquement on sait pas ce que ça a donné ça c'est la grosse inconnue mais ça va être tendu quoi je me demande qui va sortir son épingle du jeu du coup entre Microsoft et Sony Moi je mise sur la Xbox One parce que le gros marché c'est les États-Unis et que voilà. Ouais, mais même aux États-Unis les annonces c'est vrai que ça a changé la donne quand même les annonces récentes de Microsoft qui fait derrière mais même si je voyais sur le site américain et tout ils étaient plutôt favorable à la PlayStation 4 quoi. Mais c'est sur le coup mais au final mais après, à Noël ça va être Forza 5 contre Drive Club je pense que pour moi c'est Microsoft Xbox One qui va sortir son épingle du jeu elle reste encore quand même 100 € plus cher, 100 € 100 dollars plus cher. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est pas négligeable non plus. Après, faut voir les packs et ouais. On en a pas entendu parler, mais faut pas exclure non plus leur idée de faire un forfait. Oui, avec le Xbox Live et tout. Moi j'étais presque sûr qu'ils allaient le faire ça et finalement ils l'ont pas annoncé en tout cas pour l'instant. Ils l'ont pas annoncé mais bon on sait jamais pour l'instant on sait pas ce qu'il y aura dans les packs, on sait pas exactement comment ça sera vendu. Selon comment partent les réservations et tout, Microsoft peut aussi faire machine arrière sur le prix et l'idée de baisser le prix j'y crois pas parce que c'est le Kinect oui parce que le Kinect est obligatoire là par contre ils peuvent pas l'enlever donc là, c'est un peu le piège quoi parce que c'est encore pire j'allais dire que c'est un peu le Kinect c'est un peu le gamepad de la Wii ou quoi oui, voilà. t'es obligé de l'acheter même si ça sert pour pas grand chose quoi c'est à double tranchant c'est d'un côté voilà c'est plus cher forcément. Mais de l'autre côté, c'est en natif et du coup, certainement plus de jeux qui exploiteront Kinect que de jeux qui exploiteront le PSI. Après, continue. C'était juste pour dire que j'étais complètement d'accord parce que on l'a vu avec la génération d'avant quand il y a eu quand c'est des accessoires, ça marche jamais. Donc quand il y a eu une PlayStation Move et tout, ça avait beau marcher mieux que la Wiimote et tout ce que tu veux. Très loin, c'était pas vendu avec la console, donc c'est tout de suite c'est segmentant, tous les joueurs ne l'ont pas, donc les éditeurs ils laissent tomber quoi. Ils veulent pas autant parler, enfin la plupart quoi en tout cas de exclusif pour des accessoires quoi donc je pense que ce sera pareil là le c'est PlayStation Eye parti et puis voilà quoi après moi comme ce que je voulais dire c'est que je pense que la période où les consoles dès les premiers jours on se jetait dessus et que ça allait être la ruée je pense que c'est terminé quand on voit y a plus Virgin déjà on ça oui plus. Non mais même on y en bon je sais que souvent les consoles sont les trucs qui sont les plus prisés au niveau des cadeaux mais il faut pas oublier qu'on est aussi dans une période économique où c'est un peu chaud de dépenser 499 € pour un truc fait pas peur aux gens non oui enfin, pour moi non mais ça les empêche pas d'acheter des iPads à 600 pas que euros on disait ça au départ et on sait très bien que la PS3 a pas fait un démarrage fulgurant même la 360 a pas fait un démarrage fulgurant ça va être beaucoup plus calme qu'à l'époque ça va être beaucoup plus mesuré. On n'aura pas de. Ce sera. Moi, je vais prendre un exemple. Je pense que ce sera beaucoup plus un marathon qui va être fait sur plusieurs durées avec des ventes plutôt plus régulières que un démarrage canon qui va durer quelques semaines ou plutôt une année. Ça va augmenter petit à petit. Voilà, exactement. Je pense qu'on aura un cycle de vente des consoles qui sera beaucoup plus mesuré, beaucoup plus calme, qui va démarrer bien sûr à Noël un peu plus. Il va bien démarrer quand même, mais ce sera pas un démarrage canon, je pense. Et puis, il faut voir aussi la visibilité qu'on aura sur 2014, parce que pour l'instant, on n'a absolument aucune visibilité. Et les gens ont malgré tout en tête la Wii U, il n'y a pas eu de jeu pendant 5 mois. Non, mais on n'est pas à l'abri pour Nintendo, qu'il y ait des nouveaux Nintendo Direct qui arrivent d'ici quelques mois et qu'il y ait quelques annonces. On sait qu'il y a un Zelda, qu'ils ont failli montrer. C'est leur style. Je pense que 2014, de toute façon, c'est leur stratégie, ils assurent 2013 pour lancer un peu le truc. Et 2014, ils pérennisent. Oui, 2014, ça va être l'année ou jamais. Si loupe 2014, loupe totalement. Je pense que ça va déjà. Il y a Mario Kart, donc. Attention. Ce que je dis souvent, c'est que Mario Kart je vais prendre l'exemple sur console de salon. Les ventes stratosphériques du Mario Kart, il faut bien comprendre que c'était sur Wii. Donc ils ont profité de l'effet Wii. Là, on a le Mario Kart Wii sur Wii U. Ok, ça peut lancer un petit peu la Wii U, mais ça ne fera pas non plus, ça ne pourra pas faire non, un effet. C'est pour ça qu'ils ont Bayonetta, qu'ils ont Smash Bros, qu'ils ont s'il y a un jeu tout seul, ça sert à rien. Sur la fin d'année 2013, au moins un bon jeu first party par mois, c'est le minimum. Et sans ça, ils n'y arriveront pas. Mais ils ont intérêt à le vendre par contre. Ça va être vraiment le nerf de la guerre. Pareil, quoi. C'est pareil pour les autres. Hein. Là, pour l'instant, on n'a absolument aucune visibilité sur le premier trimestre 2014, même sur le premier semestre. Oui. On ne sait absolument pas ce qu'il va y avoir. Et pour l'instant, enfin, tout ce qu'on voit, c'est pas, enfin, voilà, y a rien de concret, quoi. Y a rien d'envergure. Donc, s'ils veulent réussir leur lancement, faut aussi qu'ils aient quelque chose pour 2014, parce que les gens, ils achèteront pas une console pour un jeu en voyant rien arriver derrière, quoi. Oui, totalement. Après aussi, quand tu dis Bayonetta 2, il faut aussi voir, est-ce que ça va se vendre. Si non, Nintendo le pousse totalement, si Nintendo fait une campagne de pub là-dessus, je pense qu'il y a des chances. Ouais, enfin je sais pas. Il communique à fond dessus, mais il va pas se vendre. Faudrait aussi qu'il ressorte le premier. Il y a plein de trucs qu'il faudrait qu'il fasse. Ouais, parce que ça, je pense qu'ils vont le faire. S'ils le font pas, c'est une connerie, quoi. Parce que je pense aussi. Bayonetta a pas marché. S'ils sortent le 2, alors que le premier, sur console Nintendo, alors que le premier déjà avait pas marché sur les autres consoles, c'est, enfin, ils vont droit dans le mur. Donc, à la moindre des choses, ça serait de ressortir le premier aussi, même que sur l'eShop, quoi, en dématérialisé. Oui, mais ils ont parlé vite fait un petit peu dans. Enfin, Camilla en a parlé. Ouais, je sais, ouais, il a dit qu'il était pas contre l'idée, mais bon, je sais pas. Après, pour moi, ça serait, ça serait assez logique commercialement parlant, quoi. S'ils veulent vraiment essayer de relancer Bayonetta, il faudrait qu'ils ressortent, le premier, et puis dans la foulée, le deuxième, quoi. Je pense que c'est un problème du distributeur. C'est-à-dire que Nintendo a le 2, faut pas oublier que c'est Sega qui a le 1. Alors maintenant, est-ce qu'ils peuvent s'arranger avec Sega? Sont tellement à la dèche que de toute façon, ils acceptent tout de la part moment, de... Ouais, ce qui se passe entre Sonic, le fait que Sonic soit sur les consoles Nintendo, Yakuza... Il y a le Sonic Mario et Sonic au JO qui est... Il y a un autre jeu Sonic qui n'est pas annoncé encore, parce qu'il le partenariat, c'était sur 3 jeux avec Sonic et on n'en connaît que 2 pour l'instant. Et 7 jeux en tout. Et je suppute qu'il y a, quand on voit la vidéo de Mario Kart 8, il y a un circuit qui me fait penser à Sonic Adventure 2. Faites attention, mais oui, c'est possible. Ouais. Donc je pense que... Mais pour Nintendo, enfin pour Bayonetta 2, le jeu de toute façon ne se vendra pas. Enfin voilà, non. Les BTA. C'est plus stratégique, je pense. Pour l'image. Voilà, c'est l'image. Pour l'image, c'est très bien. Mais après, il faudrait enchaîner avec quelques autres. Et puis, il faut voir le nombre de personnes qui disent mais je vais pas acheter la console juste pour ce jeu. Mais ça, ils disent c'est le même problème que Mario Kart. Je veux dire, tu vas pas acheter la console que pour Mario Kart. Ils disent à peu près pour tous les jeux. Donc, si t'as des sorties regroupées. Mais après, t'as un investissement à faire. Si t'as 3-4 mois, t'as 5-6 jeux où les gens disent, je vais pas acheter la console juste pour ce jeu. Mais s'ils disent pour 4-5 jeux qui sortent sur une courte période, au bout d'un moment, ils vont craquer, ils vont l'acheter. C'est rare que t'achètes une console juste pour un jeu, t'achètes pour un catalogue. Si le Mario Kart est bon, j'imagine le joueur qui est pas forcément anti Nintendo, qui aime bien les jeux Nintendo, qui était fan de Bayonetta. Si Bayonetta 2 est bien, s'il voit que le Mario Kart est bien et qu'il y a quelques annonces un peu d'exclusivité qui arrivent, c'est vrai que là, ça tout de suite, il peut commencer à envisager l'achat, surtout s'il y a une petite baisse de prix en même temps. C'est vrai qu'un Bayonetta 2 comme ça, isolé au milieu de Mario, il faut que Nintendo se diversifie, je pense, tout simplement. Il faut vraiment que ce soit en s'achetant des licences. En interne, je pense pas qu'ils puissent vraiment se diversifier. Il faut qu'ils achètent avec des éditeurs tiers. Non, mais moi je pense qu'il faut que Nintendo agisse comme un mécène, tout simplement. Voilà. Je pense que Nintendo devient quasiment le mécène de la Wii U, c'est-à-dire, vous faites un jeu, on vous paye, et puis voilà. Ouais, mais c'est un peu ce qu'ils font. D'ailleurs, ils le font aussi avec le Megami Tensei, avec Fire Emblem. Fire Emblem. Pareil, ça c'est un peu dans le même genre, quoi. Sur 3DS, c'est ce qu'ils font aussi, et c'est ce qu'ils ont fait avec The Last Story et... Il faudrait qu'ils continuent, régulièrement, ils achètent et des jeux et si possible là où on les attend pas, comme Bayonetta 2 a vraiment surpris tout le monde parce que personne ne s'y attendait, quoi. Mais vraiment, mais pour donc il faudrait qu'il continue, c'était ça aussi, il faut qu'il fasse Catherine 2. Si là, on attendait pas du tout. Je vais vous proposer de conclure sur une dernière question que je vais vous poser. Quel est pour vous le jeu qui a marqué cette E3? Qu'est-ce qui est, en tout cas, un jeu qui vous donne envie de l'acheter dès sa sortie? Infamous. Second Son. Second Son, parce que j'ai vu, alors pas forcément pour le trailer, mais pour la démo gameplay, ouais, que j'ai vu juste après, et qui promet quand même beaucoup avec la puissance de la PS4. C'est vraiment. Les animations sont ouf. Ah oui, c'est. Et puis il y a un petit côté cool qui paraissait pas avec les deux premiers. Et là, le nouvel héros a quand même beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de classe. Et ouais, ça fait penser à Dante dans DMC, le reboot là. Voilà, exactement. Il est beaucoup plus frais, il est beaucoup plus rebelle. Voilà, beaucoup plus rebelle. Et rien que ça, voilà, c'est beaucoup mieux que le monolithe un peu trop écorché vif de Cole McGrath qui est un peu ouais. Là, il y a un côté un peu plus cool, un peu plus second degré, et ça fait du bien, je pense, à la licence. Gizush. Alors, je sais pas si je citais un jeu qui n'était pas présenté directement lors des conférences, mais il y a le jeu de Shinji Mikami, The Evil Within. Ah, ouais. Survival Horror, ils ont montré des nouveaux trailers et tout, et que lui, il me fait super envie, en fait. Parce... Moi aussi, oui, effectivement, ouais. Donc, voilà. Un vrai survival. Voilà, un vrai survival, avec une super ambiance, et Un jeu Mikami, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Mikami sur voilà, un jeu. Voilà, le temps qu'il monte son nouveau studio, quoi. Ouais, voilà. Donc là, je l'attends beaucoup, et j'espère ne pas être déçu, quoi. Toon. C'est dur. Là, tout de suite, qui me vient en tête, Pikmin 3, puisque il est déjà réservé. je pensais même pas à ça, je pensais que t'allais me citer Smash Bros, quoi. Ouais, mais on a vu ils ont fait Sakurai a fait un ou deux combats, je crois. Enfin, on a vu un peu de gameplay, mais c'est trop loin encore. Enfin, c'est sûr que je vais l'acheter, mais je pense qu'on le reverra encore à l'E3 de l'année prochaine. Je pourrais te dire plein de jeux, en fait, mais ouais, là, du plus proche et ce qui me vient en tête, c'est Pikmin 3, et sinon Titanfall qui me fait très très envie. Moi c'est pareil, je suis un peu je ne sais pas, j'hésite. Donc alors il y a déjà le MGS5 qui me, alors je suis pas du tout j'ai une histoire avec les MGS qui est assez qui est assez bancale, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2 et le 3 j'ai pas du tout aimé, j'ai fait 5 minutes et j'ai arrêté, j'ai rangé le jeu dans la boîte. C'est con, c'est le plus aimé. Ouais, c'est dommage, mais le MGS5, je trouve que, alors déjà graphiquement, il envoie une patate. Ah bah ça, il faut que c'est Jean, hein. C'est là c'est vraiment, pour moi ça c'est vraiment la next gen, tu vois. Mm. Vous voyez, c'est déjà sur le fait que ce soit un monde ouvert, le fait que ça évolue en temps réel, notamment les conditions climatiques. Mais vraiment, voilà, ça peut arriver d'un coup d'un seul, une bourrasque de vent avec une tempête de sable. Mmh. Et voilà, la présentation aussi a beaucoup joué parce que le gars il dit vas-y, amuse-toi. Et puis là, le gars Snake part sur son cheval. Et ça faisait très Red Dead d'ailleurs, je trouve, le début. Tout à fait, ouais. Ouais. Absolument. Et le second jeu, mais là je sais que il y aura beaucoup de temps avant qu'on puisse y jouer, c'est Quantum Break, parce que tellement adoré Alan Wake, j'ai tellement pris du plaisir à y jouer que Quantum Break, je peux pas croire que ils aillent pas au bout de leurs idées. En tout cas, ils proposent nombre de bonnes choses sur Quantum Break par rapport à ce qui a été présenté, quoi. Limite la série, je m'en fiche pas mal, sauf si elle est bien pensée, si elle est bien faite. Mais le jeu, il y a vraiment quelque chose qui peut le truc avec le temps et tout, et puis le design qui est vraiment pas mal. Il y a des il y a du potentiel. En tout cas, en conclusion, on peut dire qu'on a vraiment eu un E3 de qualité. Puis surtout, il y a eu Hotline Miami 2. Voilà. Voilà. Ouais, il était un peu. Il était en. Il était en foutu un NDA. Oui, ils ont foutu à NDA jusqu'au 19, mais il y avait Hotline Miami 2, et je suis content. Et voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses. On est peut-être un petit peu déçus, alors je parle aussi d'un point de vue personnel, du côté de Nintendo, par rapport à un certain manque d'ambition par rapport aux jeux proposés. D'ambition et comment dire, de nouveautés, voilà, j'ai envie de dire. On a eu les pompiers de service. Ouais. Bah, je me souviens, moi, la dernière fois, j'avais apprécié, où j'étais vraiment surpris par un... Dans une présentation Nintendo, c'est quand ils avaient présenté le Kid Icarus, ils avaient commencé par ça d'ailleurs, Kid Icarus Uprising sur 3DS. Ah oui. Ouais, bah c'est ce qui manquait en fait. Là, il manquait vraiment une surprise, soit le retour d'une vieille licence, ou soit... F-Zero Si, au niveau retour de licence, ils ont annoncé Steel Diver en free-to-play. Hein. Ouais, oui. ils l'ont même pas annoncé. Ils l'ont dit en conférence, enfin en truc avec les actionnaires. Après le 3. Mais on a eu de belles choses, de belles promesses, et surtout voilà, la next gen, graphiquement on voit la différence, alors que déjà sur les consoles actuelles on était quand même sur un très haut niveau de qualité, hein, on va pas s'en cacher. Ouais. C'est surtout au niveau des détails, je trouve, parce que enfin moi je m'attendais à un gap moins élevé, on va dire, mais disons que là on en a pas parlé d'ailleurs, mais la marotte c'était un peu 60 fps 1080p. Oui. Et énormément. Et malgré tout, ça fait quand même une différence, quoi, voir des jeux super fluides et avec un niveau de détail vraiment élevé, c'est quand même très très agréable, quoi. Bah, moi, je reprends l'exemple de Quantum Break. La séquence, elle est quand même, ouais, quand même les... magnifique. Hein. Si c'est vraiment comment dire du temps réel, ça envoie du pâté. Hein. Ça c'est ouais, clair, avec toutes les particules et tout. Ça fait un peu comme ça fait démonstration technique, un peu comme Knack. C'est ça, ouais. Le jeu de saucisse. Bah voilà, sur ce, je propose, sur cette vanne pourrie, je propose de vous dire une prochaine fois, de pas hésiter à me dire ce qui a été bien ou ce qui n'a pas été bien sur le podcast. Et puis, bah, on vous dit à une prochaine émission et puis à une prochaine fois. À bientôt! Salut, à bientôt! Salut, à bientôt! Thank you.